crois que le père Francis, vient dire, quelque chose. Ok, le père Francis va saluer l'Assemblée. Le père Francis va saluer l'Assemblée. Bonsoir, shalom à tout le monde. Bonsoir, frère Francis. Tu es sur la place de Mouma Véro, Je viens du Maroc, mais je suis des vôtres, je suis camerounais, je ne suis pas marocain. Ne voyez pas comment les brins, vous croyez que c'est un marocain. Donc, c'est juste pour vous saluer, les frères du Maroc vous saluent, et on continue à vous porter en prière. Donc, pour que le Seigneur vous fortifie, de toute façon, votre cœur, c'est notre cœur. Si vous souffrez, je souffre avec vous. Vous êtes dans la joie, nous sommes dans la joie avec vous. Et donc, du mieux que nous pouvons, nous soutiendrons. Tant dans la prière que spirituellement aussi. Moi, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse. Amen. Merci, frère. Frère, ton thème c'est quoi? C'est pas le thème. C'est toi qui devais parler du retard, non? C'est pas toi qui devais parler du retard, chrétien. C'est le frère Alex. Frère Yannick, viens parler, pour me présenter ton thème alors. Continue de ne pas préparer. Tu n'es pas encore prêt. Et tu venais préparer, tu venais présenter quoi si tu n'es pas prêt alors? Tu comptes sur le Seigneur. Avez-vous des questions? Préparez-vous. Chacun a son thème. Où est le petit garçon? Avez-vous des questions? Le frère là, Moïse, c'est ça? C'est toi, c'est la semaine dernière, on était ici, il parlait de quelque chose qui brûle, on met ça brûle. Quand nous parlons du Saint-Esprit là, quand tu es rentré, c'est comment? Tu es timide, frère? Non, je suis la façon que tu parles, moi, je ne comprends pas. La façon que tu parles, tu ne me comprends pas. Comment ça? Mais j'ai parlé, c'était devant toi, j'ai dit, quelque chose, on met le feu au-dessus, ça brûle, la fumée monte, non? Est-ce que c'est compliqué? Non, comme tu dis que quand je suis rentré, ça s'est passé comme ça. Je voulais dire, tu as compris, quand tu as encore revécu, je voulais dire, passer dans ta mémoire, méditer sur ce qu'on a fait ici. J'ai dit, n'est-ce pas, le jour là, quand tu es rentré à la maison, est-ce que tu as encore pensé à ce qu'on a fait ici, ce qui a été dit concernant cela? Non. Tu n'as pas pensé. Donc c'est normal quand tu dis que tu as arrêté quelque chose, tu as mis le feu, ça a brûlé. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est là où je vous ai expliqué que quand j'ai fait cela, donc j'ai brûlé. J'ai seulement brûlé. Quand tu as brûlé, j'étais là. Non. Mais pourquoi donc je viens, je n'étais pas à côté de toi, il peut parler que voici quelque chose qu'on met le feu, on brûle. Tu penses qu'est-ce qui se passe au côté de toi? Ou mieux, tu brûlais quoi déjà? On m'a donné, on voulait m'inviter pour la réunion. Parce que quand tu donnes déjà ta vie à Dieu, donc la réunion n'est pas bien. Oui. Quand j'ai pris cela, donc le Saint-Esprit va dire que ce que tu as pris là, ce n'est pas bien. Il faut le brûler. Il faut brûler. J'ai brûlé. Tu as vu la direction qu'a pris la fumée quand tu as brûlé cela? J'étais dans mon atelier. Il dit que tu as vu la direction qu'a pris la fumée. C'est monté. Et monté. Des questions? Vous me tenez seulement sur cette terre-ci là. Avez-vous des questions? Donc, quand on va commencer à t'appuyer le cou, en noir, ne ris pas parce que c'est sérieux ce que tu as fait. Et ce qui est là où la fumée a été dirigée. Quand on va commencer à t'appuyer le cou, viens, tu nous dis. Tu viens avec le reste du cou. Mais t'es diminué à la suite de cela. Qui était ici la semaine dernière quand il lui parlait de cela? Qui était ici? Hein? Mercredi. C'est mercredi dernier, c'est ça? Oui, des questions, mon cher. Je voulais poser une question dans Matthieu 5, verset 2, où on parle des pauvres en esprit. Oui. La question que je voulais poser, c'est il y a par exemple dans Luc 18, verset 13, on parle de quelqu'un là-bas qui avait une certaine attitude. La question que je voulais poser, c'est. Cette personne, qu'est-ce qu'elle. Deux personnes sont à l'autel pour prier. Maintenant, la Bible nous révèle que l'un avait une certaine attitude et l'autre avait une autre attitude. Mmh. La question que je voulais poser, c'est l'attitude de l'autre. Est-ce que c'est ça qu'on peut considérer comme être pour un esprit? Pourquoi tu quittes Matthieu chapitre 5 pour mettre la relation l'un là-bas? Qu'est-ce que veut dire l'expression être pauvre en esprit? Bon, être pauvre en esprit, ça veut dire ne pas avoir, je veux dire, des richesses et des plans spirituels. Isaïe. Isaïe chapitre 57. Donc, mon cher Moïse, tu as ouvert Isaïe chapitre 57. Maintenant, comme tu as dit qu'il parle, ma façon de parler est bizarre. C'est non, moi, je n'aime pas dire que c'est bizarre. C'est comment? Non. C'est du. Non. Tu sais que quand tu parles, il ne comprend pas, il veut t'expliquer qu'il ne comprend pas, il ne doit pas accepter ce qu'il ne comprend pas. Ok, merci beaucoup. Il y a une photo, et la personne qui se trouve là-dessus, cette photo-ci, se trouve le torse, le haut est nu. C'est un homme. Et il a attaché un style de pain où il y a le blanc et le bleu. Il a un queue de cheval. Mais qui est-ce qui est question? Queue de cheval. Oui. Il y a queue de cheval. C'est ce que le cheval, la partie où il tient, il y a le coris sur ça, c'est tout au bout. C'est, il a tenu comme ça et puis il y a le blanc tout autour. Ça, sa photo est accrochée, son corps ici est nu. Esaïe 57. Mon cher qui a posé la question de Matthieu chapitre 5, la verset 2 et Luc chapitre 18, verset 13 et suivant là, regarde bien ceci. Suivez attentivement à partir du verset 14 là. Vous y êtes? On dira frayé. J'espère que tout le monde y est. On dira frayé. Notez aussi chapitre 54 parce qu'on va y arriver. On va y aller tout à l'heure. On dira frayé. Préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Écoutez bien maintenant. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés. Souvenez-vous de la question de Matthieu 5, verset 2, où le Seigneur dit, heureux ceux qui quoi, sont pour se souligner cela, puis vous mettez en relation avec ces versets, ce passage dont il parlait là. Vous y êtes d'Isla? Comment mon cher? Quel verset? Il a posé la question dans Matthieu chapitre 5 verset 2, n'est-ce pas? Nous voici au verset 14, verset 15, la partie C, regardez. Mais je suis avec l'homme contrit. Dieu dit malgré qu'il est éloigné, malgré qu'il est grand, malgré qu'il effraie, il est quand même avec ceux qui sont, dont l'intérêt est abattu et qui ont besoin de sa présence. C'est pour ça que vous voyez dans le chapitre, nous sommes au chapitre 5 et chapitre 57 ici. Au chapitre 55, verset 1 à 6, il venait à ces eaux-là, il prenait la gratitude. Alors mon cher, regarde, suivez attentivement encore. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombe en défaillance, les esprits, les âmes que j'ai faites. Donc, toute âme et tout esprit qui n'est pas connecté au Seigneur est pauvre, a besoin de la présence du Seigneur. D'accord? C'est pas que l'esprit, c'est pas une quantité que vous allez boire ou il faut boire. Que pour avoir un esprit, ça veut dire qu'il manque de la présence du Seigneur dans son âme. Parce que c'est le Seigneur qui doit faire la joie de notre âme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette présence-là, c'est ce que vous appelez la paix de Christ. ou bien la paix de Dieu, c'est ça qu'on a, c'est ce qu'on parle. Quand une âme a cela à l'intérieur, l'âme là n'est pas, cet esprit là n'est pas pauvre. Donc le Seigneur dit qu'il habite dont la demeure est en haut et qu'il est, il habite dans la sainteté. Il dit mais il est avec, vous voyez l'éloignement. Malgré qu'il soit comme ça, il est avec ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc être fort à l'esprit, ça ne veut pas dire que tu as une quantité d'esprit qui est petit. Non. Le manque de la présence du Seigneur. Vous avez entendu le psalmiste dire que tout ce qui est en moi bénit son Saint Nom. Qu'est-ce qu'il y a en lui? Les organes, c'est ça qu'il parle? Non. Il parle de quoi? Son âme. Son âme. Des questions, mon cher? Oui, mon frère Blaise. Il n'y a pas un Colossien. Dans Colossiens 1, je vais voilà. À partir du verset 24. Colossiens chapitre 1. Verset 24 et suivant, oui. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Oui. Pour vous, en ce qui manque aux souffrances de Christ, je la chair en ma chair pour son corps qui est l'Église. Oui. Je n'arrive pas à comprendre ce passage. Quand il y avait d'autres souffrances, qu'est-ce que ça avait laissé? Voilà. Et parce que c'est que je sais que la souffrance de Christ, c'est-à-dire qu'elle est parfaite. Relis encore ça. Je me réjouis maintenant oui. dans mes souffrances pour vous. Mmh. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, mmh. je l'achève en ma chair oui. pour son corps qui est l'Église. Amen. Repose ta question bien. Et pour que quand il donne la réponse, tu comprends que vraiment c'est la réponse. Quelle est la question? Ma question, c'était simplement de savoir. Ce que je voulais comprendre, je voulais juste comprendre ce verset-ci là, parce que quand il dit pour ce qui en ce qui manque aux souffrances de Christ, alors que je sais que rien ne manque, rien ne manque là. Montre un verset qui dit que quelque chose ne manque pas. Montre alors. Parce que tu dis que tu sais que rien ne manque. Montre, prouve. Quand tu vas prouver, ça m'arrive à lire la Bible, je pense. Parce que c'est toi qui as dit de ta propre bouche, que alors que je sais que rien ne manque. Parce qu'il a dit dans les évangiles, il a dit tout est accompli. Pourquoi est accompli? C'est encore un peu pas grave. Mais demande à ton voisin. Non, Patay, lui aussi bouge la tête doucement, qu'il ne s'ouvre pas ici, il ne connaît pas. Quand... Oui, les frères se conseillent d'abord comme le Seigneur. Quand le Seigneur dit tout est accompli, qu'est-ce que tu veux mettre quoi dans ce verset-là qui a trait à voir avec la souffrance? Réponds rapidement, frère, on continue. Ouvre Luc chapitre 24. Luc 24, disons cela et puis on avance avec toi là. En fait, ta question est une très bonne question. Mais j'aurais souhaité que tu poses la question. Je croyais que tu devais poser la question autrement pour qu'on puisse entrer dans des grands développements. Mais comme tu as posé une petite question, seulement un petit degré, on va donner un petit degré de réponse seulement petit. Puis on essaie de mettre juste si Dieu veut, on touche cela. J'ai lu quel livre déjà? Luc chapitre 24. Allons-y là-bas. Regarde le verset 25 et 26. Lis alors, frère. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Donc, mais ça, il dit... Ils ont l'âme à croire ce que les prophètes ont dit. Si vous lisez Esaïe chapitre 50 et 53, vous allez voir de quoi on a de parler là-bas. D'accord? Maintenant, quittons ce livre de Luc chapitre 24, allons quelque part d'autre. D'accord? Hébreux chapitre 2. Il y a le mot quelque part qui est tombé là. Hébreux chapitre 2.

Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Vous y êtes? Et que les îles, je crois que tout à l'heure j'ai expliqué ce qui s'est passé ici. Et que les îles espèrent en sa loi. On y va? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné à la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y mangent. Écoutez, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. On parle de qui, frère? Vous ne voulez pas répondre, frère? On parle de qui ici? Il y a des gens dehors là. On parle de qui? Ok. Écoutez, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Vous y êtes? Amen. Pour être la lumière des nations. Vous y êtes? Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Allons au chapitre 49. Et vous avez bien suivi ce qu'on a dit là-bas, n'est-ce pas? Verset 5 à 7. Gardez bien l'esprit ce qu'on a de lire. C'est vrai que avec les prophètes, on lit, on peut dire n'importe quoi là-bas, mais regardez, je regarde très attentivement. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. C'est la voix de qui ici, frère? Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Qui parle, frère? C'est la voix de qui ici? Du Seigneur. Tout ce qui dit, c'est le Seigneur. Levez la main. Donc, comme il dit maintenant, comme ça, les gens baissent la main. On parle de qui ici, frère? Ceux qui pensent que le Seigneur, levez la main. Ok. Bon, il y a des gens qui sont neutres. Bon, vous qui ne pensez pas que c'est le Seigneur, vous pensez que ça peut être qui? Quand tu n'as pas levé la main, non, frère? Un frère David. Oui. Tu penses donc c'est qui? Bon, en fait, quand je parle à mon esprit, j'aime beaucoup plus ce Paul. En fait, c'est de lui dont on parle ici. Vous voyez que Esaïe a parlé, enfin, il a même parlé de l'église, parlé même d'une nouvelle création. Il a même dit dans le livre d'Esaïe, c'est même le livre d'Esaïe, il dit qu'il va réunir à ce peuple déjà réuni, un autre peuple. Parlant des cantiques des rachetés. Je réunirai à lui un peuple nouveau-né. Donc, vous voyez effectivement qu'on parle ici, ça ne peut pas être de Jésus, de notre Seigneur. Et l'apôtre va reprendre cette même prophétie dans Galates chapitre 1. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le 5 matin, regardez ce qu'il dit ici. Verset 5, maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Ce n'est pas de Jésus dont il est question. Vous voyez? Il dit, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël, quoi? Et Israël encore dispersé. Lisez le livre de Romains chapitre 10, 9, 10. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils font quoi? Sans intelligence. Il dit qu'ils voudraient être un anathème pour son peuple, pour que son peuple soit sauvé. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Ça, c'est l'apôtre Paul, c'est pas du Seigneur Jésus. Vous voyez? Alors, dans Actes chapitre 13. Vous y êtes? Oui, ils ont appris verset 44 en descendant là-bas. Chaque fois qu'on vous pose une question, quand ils sont là de répondre, même si il dit mon but c'est de vous amener jusqu'à ce que vous compreniez, gardez-vous à l'esprit la question qu'il a posée dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Là. par rapport à la souffrance de Christ. Là, on en est allé. Regardez. Et vous avez remarqué que j'ai commencé à Ésaïe 42. Puis on est au 49, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, écoutez bien, voici nous nous tournons vers les païens. Puis dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il fallait qu'il y ait un rejet. Donc cette parole ne s'appliquait pas à Jésus, mais à eux. Mais le problème là, c'est que vous lisez dans le livre de Luc, quand le Simeon veut porter Jésus, on dit que c'est le salut qu'il destine pour toutes les nations. Regardez, je veux toute votre attention. Quand Simeon est rempli du Saint-Esprit, il porte l'enfant Jésus entre les mains, il dit que cet enfant s'est destiné à amener la chute de relèvement. On dit que c'est la lumière. Zacharie dit la même chose parlant de Jésus, que c'est la lumière des nations, n'est-ce pas? Maintenant, la prophétie dit que cette lumière doit être portée pour aller dans les nations. Lui, il est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Lui, il est le salut. Le salut que tu places devant tout le peuple. Mais maintenant, il faut que ce salut soit parlé, soit présenté. Mais non, Dieu dit donc que j'étais établi, j'étais choisi dès la devant pour que tu portes ce salut, pour que tu portes le salut pour là-bas. Vous voyez ce que Isaïe a pu voir, frère? Bon, maintenant, regardons donc, vous allez voir effectivement c'est conforme à sa commission. Parce que pour qu'un nouveau système s'établisse sur la terre, ça s'établit toujours avec des problèmes. Et donc, la pression qui se lève pour dire, vous allez remarquer très certainement que sur la terre, c'est comme ça, c'est le problème de l'être humain. Et on te tue, après on félicite, on demande pardon, on fait ta tombe. On te livre, on te lève en monument, c'est un héros. Mais quand tu as dit la vérité, tu énerves les gens. N'est-ce pas, frère? Mm-hmm. Vous entendez aux gens, dire, non, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Kadhafi, c'est pas eux qui ont tué. Il a fait quoi pour qu'on le tue? Parce qu'ils ont dit la vérité. Maintenant, on le tue, puis on vient au deuil. On félicite même son épouse. Maintenant, regardez ce qui va. Chapitre 21. Prenons Actes des Apôtres toujours là. Donc maintenant, frère, écoute maintenant la réponse. Regardez chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26 de Actes des Apôtres, non? Donc quand l'apôtre Paul dit dans ses Colossiens chapitre 1, il dit ce qui manque comme souffrance à Christ, là, je l'achève pour son corps. Dans sa chair, c'est à l'intérieur que ça se trouve. Maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, écoutez, c'est à lui dont la grâce a été donnée de poser la fondation sur la terre. Satan lui dit, ok, donc tu viens te confronter dans mon royaume pour mettre ces choses en place. C'est toi qu'on a choisi, ok, je vais te montrer. Souvenez-vous dans Luc chapitre 22, il a dit, Satan a réclamé ces disciples-là pour les cribler comme du froment. Maintenant, regardez ici. Chapitre 26 des Actes apôtres. Il a raconté son histoire. Maintenant, écoutez, verset 16, verset 14. Nous tombons tous par terre. Vous pouvez prendre le petit verset 1, il raconte l'histoire qui est arrivée dans le chapitre 9. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me dit en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dû de régimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. Écoutez très intimement. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous y êtes? Afin que tu leur ouvres les yeux. Où sont les Isaïe qu'on a lu là-bas? Que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul directement. Mais la commission, il va donner sa commission à une autre personne, le renseignement qui se cache derrière. Il n'a pas parlé de souffrance. Remplis au chapitre 22. Notez le verset 16 encore jusqu'au 21. 16 en 21. Vous y êtes? Voilà. Notez aussi le verset 10 à 14 maintenant. Vous avez noté? Il dit, nous sommes au chapitre 22 là. 16 à 21, vous notez maintenant 10 à 14. Allons au chapitre 9. Chapitre 9 des Actes des Apôtres, à partir du verset 10. La Bible déclare, chapitre 22, chapitre 26, c'est l'apôtre Paul qui raconte devant le Sanhédrin, n'est-ce pas? Maintenant, regardez maintenant ce que le Saint-Esprit raconte de son histoire. Or, cette histoire-ci, c'est dans, quand il écrit les livres-là qu'il a la révélation de ce qui est dit de lui et ce qui est contenu dans son ministère. Là-bas, ce que l'Esprit lui dit quand il appelle, c'est que je t'ai choisi du milieu des païens, du milieu de ce peuple, du milieu des païens, fait que je t'envoie pour que tu ouvres les yeux, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la lumière. D'accord? Maintenant, il dit à Ananias, il y a un aspect que je lui ai caché, il va confirmer. Regardons ça. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Vous entendez le mot encore, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, écoutez maintenant ce que le Seigneur va dire. Ah, ça c'est à Ananias qui dit là maintenant. Mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit. Souligne donc. Donc, si tu dis que Jésus avait tout souffert, il n'a plus de souffrance à faire, c'est que tu as dit que Jésus lui-même il manque, parce que c'est lui qui dit que pour les censés souffrir. Donc, la souffrance de la mort du Seigneur Jésus à la croix, c'était uniquement lui qui devait le faire. Pour porter le nom aux extrémités de la terre, quelqu'un devait payer le prix pour cela. Et chacun a sa tâche, sa part de souffrance chaque jour. Mais cet apôtre l'avait écrit que c'est à cause de son nom, donc qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, qu'on nous mène à mort tous les jours. Des questions? S'il n'y a pas de questions, prends. Oui, mon cher frère. Frère, je ne vais pas poser la question directement, mais je veux savoir, est-ce qu'il y a un type de religion que le Seigneur a créé? C'est l'islam. C'est ça qu'il a dit dans le Coran, dans Sourate chapitre 5, qu'il agrée aujourd'hui l'islam comme religion. Oui, des questions maintenant. Bon, en fait, je pose la question parce que dans. Bon, il y a dans Jacques aussi, mais l'apôtre Paul, quand il arrive à Athènes, là-bas, là où, il dit que, là où la Bible dit que. Il dit que je trouve extrêmement religieux. Oui. Et maintenant, dans 1 Timothée chapitre 3, il dit là-bas. On dit qu'ils seront irreligieux. Irreligieux. Ami de l'agent, c'est le sujet. Oui, je te vois venir, mon frère. Et dans Jacques maintenant. Il dit que la raison pure et sans tâche devant Dieu consiste à ceci. Oui. Oui. La question qu'il veut savoir, qu'il veut poser, c'est que est-ce qu'il veut parler de que la religion c'est quelque chose ou bien je ne sais pas. Est-ce qu'il continue en train de considérer la religion? Il dit dans le cas où quelqu'un peut se contenter en disant que si je visite des pauvres, je visite des veuves et je m'abstiens des souris du monde, je fais, il pense ça comme une religion, il se contente en disant peut-être que si peut-être dans une dénomination et qu'il fait tout ça, il pense avoir le salut. Est-ce que donc c'est ce genre de cette religion? Donne-moi un exemple de religion sur la terre. Bon. Tu peux prendre la religion protestante. Protestante. Donc, tu appelles le protestantisme comme étant une religion. N'est-ce pas? Maintenant, je me préserve des souliers du monde. Je donne la nourriture aux pauvres et aux orphelins. Je les soutiens. Tu appelles donc ces religions quoi? Allons-y. On n'a pas ce qu'il a dit protestant. Non. Le protestant, c'est ce qu'on voit là-bas, là où tu protestais avant. N'est-ce pas? Je dis ici, Jacques chapitre 2, verset 26 et 27 là. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à se préserver des souillés du monde et à assister des souillés, quoi, quoi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, si quelqu'un pratique ça, tu appelles donc ça quoi? Donne le nom. Ça c'est? Bon, la gentillesse. Donc la gentillesse c'est une religion, c'est ça non? Donc ça c'est la gentillesse, parce que maintenant si on voit quelqu'un où il le salue, il salue tout le monde, la fille salue tout le monde. Et même les gens, hein? Ça c'est la religion, n'est-ce pas frère? Ça c'est une forme de gentillesse, mais qu'on ne donne pas. Là, dans le verset 27 là-bas de Jacques chapitre 2, il dit, la religion puissante devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillés du monde. Il dit, on appelle, si quelqu'un allait pratiquer ça, on appelle dans sa religion là quoi? Parce que tu as dit, il t'a dit, donne-moi d'abord. En fait, je vais vous dire tout simplement que le mot religion là-bas a des problèmes. C'est ça que je voulais amener. Parce que ce que vous comprenez comme religion, n'est pas ce que la Bible est en train de parler là-bas. Parce que le problème, c'est que c'est écrit en vocabulaire en français, religion, religion, ou bien religion. C'est ça que tu comprends. Si vous transportez, c'est pour ça qu'il dit, sur le plan humain, vous dites religion. On peut dire que l'islam c'est une religion, protestantisme c'est une religion, religion dit chrétien, et ainsi de suite. Mais là, on parle de religion. C'est que vous appelez religion comme une entité, n'est pas ce qu'on a dû l'appeler là-bas. Ouais. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il dit que, ok, dans ce cas, appelle-moi un nom ici. Tu comprends cela? Voilà. Des questions? Oui, finissons toujours avec lui. Dans Romains chapitre 7. C'est sûr que vous êtes surprenant ici. Oui, il dit que ce n'est pas ce qu'on devrait faire là-bas. Je m'attends à ce que quelqu'un me dise, ok frère, comment on danse? Quand on va dire, le style ici c'est quoi? Là, on a passé à une autre page. Moi, je vous pose la question, vous allez trouver maintenant ce qu'il faut mettre là-bas. Romains chapitre 7. C'est le but de ma question même. Quoi ça? C'est ça que je voulais savoir. La question que je voulais poser, mais comme c'était lui qui avait initié, vous voulez qu'il finisse par là? Non, Dieu, mais c'est ce que j'ai posé avant. Non. Donc, vous donnez la réponse. Ouais, puis, c'était le sens de ma question. Justement, parce que j'attendais, comme tu n'as pas répondu, je me suis dit que peut-être. Donc, ça avait un sens. Ce que tu as dit que je savais parler, ce n'est pas la religion, ce n'est pas ça. Après, tu savais que. Non, là, maintenant, tu t'es allé dans Romains chapitre 7. Allons-y, avançons. Hein. Non, dans Romains chapitre 7, là où l'apôtre Paul dit que. Bref, là, dans les caractères, il dit que. Il veut faire le bien, il y a le mal, ainsi de suite. Oui. Dans cet état-là, il veut savoir quel est son état. Alors qu'il est en train de dire, quand il dit que. Il veut faire le bien qu'il veut. Il fait plutôt le mal. Il a envie de vivre ce que tous les autres aiment. Il est dans l'atmosphère de chaque être humain sur la terre non régénéré. À l'instant qu'il écrit, n'est pas encore parti du Saint-Esprit. Qui a dit ça? Il demande. Le chapitre 9 d'Azab, pourquoi on a lu le chapitre lui quoi là-bas? Quand Ananès va le voir, c'est pour faire quoi? Un frère. Ok, allons dans psaume chapitre 16. Allons-y là-bas. La Bible. Notez le psaume chapitre 16 et puis le psaume 22. Tu y es, mon cher? Psaume chapitre 16. Ok, lis-nous le verset 10 et 11, puis on va au chapitre 22. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé boit la corruption. Chapitre 22. Verset 16, 17 et 18. Allons-y. Ma force se dissèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Verset 19. Ils se partagent mes vêtements. Qui écrit ça? David. Ce que nous avons lu au chapitre 16 ou au chapitre 22, là, qui a écrit? David. Dans cet état, quand il écrit, il a quoi? Il est comment? Le Saint-Esprit. Il est bon. Il est persécuté. Alors, voilà, ça y est. David prend sa plume, il a écrit, il fait cette prière-ci. Il dit qu'une bande de cérélas rôde autour de moi. Ils m'observent. Ils ont percé mes mains. On a percé les mains de David? Non. Mais il a dit qu'ils ont percé ses mains. Quand il écrit, c'est toi qui m'as posé la question que l'apôtre Paul, quand il écrit dans Romains chapitre 7, il dit que je veux faire le plaisir, je veux faire obéir la loi de Dieu selon l'homme intermédiaire. Tout ça me demande une tenue contradictoire. Ça n'est pas pour que vous compreniez l'état de l'écrivain. L'état de l'écrivain prend l'envol et se met exactement dans la peau de la personne qui vit la situation, sans pour autant que lui-même soit en train de vivre. D'accord, frère? David ici ressent les douleurs de Christ parce qu'il a été amené jusqu'à la croix. Il a senti les douleurs que Christ sentirait. Au point où il s'est tourné en bas en voyant qu'on a tiré au sort ses vêtements. C'est ce qu'il écrit là-bas. Mais au chapitre 16, si, il dit que tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Au chapitre 3 de Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va prendre ce passage-là. Il dit qu'il me soit permis de vous dire que le patriarche David, après avoir servi au destiné de Dieu et moi, ils sont tombés parmi nous. Donc, comme il était prophète de Dieu, il savait que c'est de la résurrection de Christ dont il parlait. Donc, David ne parlait pas de lui, mais pourtant, il a écrit comme étant une, c'est l'expression de son âme qu'il était en train d'exprimer. N'est-ce pas? Donc, quand l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 7, ça ne veut pas dire que non, il n'est pas né de nouveau, que c'est la lutte qu'il a à l'aide de lui. Ce n'est pas de l'apôtre Paul qu'il écrit. D'accord? Maintenant, écoutez très attentivement. Votre livre de Romains, le premier livre qu'il a écrit, c'est le livre de Galates. Donc, quand l'apôtre Paul, quand il était converti, le premier livre qu'il a écrit, c'est le livre de Galates. Et dans le livre de Galates, au chapitre 2, verset 20, qu'est-ce qu'il dit, frère? J'ai été crucifié avec Christ. Il a été crucifié avec Christ. Et s'il vit, ce n'est plus lui qui il vit dans la foi au Fils de Dieu, n'est-ce pas? Qu'il a aimé, qui s'est lui-même livré pour lui. Donc, le premier livre qu'il a écrit, il dit clairement qu'il a été déjà crucifié. Et il ne vit pas par lui-même. Donc, ça dit que ce n'est pas ses actions lui-même. À lui qu'il fait, mais c'est le Fils qui fonctionne au travers de lui. Et il ne peut pas venir plusieurs années plus tard à écrire le roman disant que j'ai lutte à l'intérieur de moi. Il ne s'agit pas de lui. D'accord, c'est pour ça qu'au verset 1 et à 3, il dit que j'écris comme ça à gens qui connaissent la loi. Ignorez-vous que la loi exerce qu'une femme, parlant de la femme, il voulait parler de la femme mariée, il dit que la loi exerce une femme liée à son mari. Le mari a toujours le droit tant que le mari est vivant, n'est-ce pas? Mais s'il est dégagé, pour expliquer dans ça spirituellement, il rentre maintenant dans le cadre de ce qui se passe à l'intérieur. Il veut vous faire vivre ce qui est à l'intérieur. Il explique donc, il se place en tant qu'être humain. Ce n'est pas lui qui vit ça. Oui, mon frère. Juste pour renforcer la question, parce que c'est une question très capitale oui. qui aujourd'hui fait l'objet de débats, on va dire comme ça, dans le monde chrétien. C'est-à-dire, pour d'aucuns, lorsque l'apôtre Paul parle dans Romains 7, il est en train de vouloir exprimer ce qu'un chrétien ressent. Oui. Et pour d'autres, il ne s'agit pas d'un chrétien, mais de quelqu'un qui est dans le monde, qui n'a pas encore été crucifié, puisqu'il n'est pas encore passé par la nouvelle naissance. Oui. Donc effectivement, la question se pose, est-ce que Paul, effectivement, parce que ce n'est pas lui, il se met effectivement dans la peau de quelqu'un, est-ce que ça a trait à une personne régénérée ou bien non? Ou non. Voilà, bonne question. C'est les deux premiers versets répondre à la question. Allons-y donc là-bas. Merci frère pour cette question. Donc voyez, effectivement, quand les choses ne sont pas données de la bonne façon, on aura le problème. Regardez. Chapitre 7, donc, versets 1 et 2. Regardons, suivons ça attentivement. Quelqu'un dit Actes des Apôtres. C'est Actes des Apôtres qu'on se trouve là, frère. Romains 7. C'est lui-même qui a posé la question qui dit maintenant Actes des Apôtres. Hein. Actes des Apôtres, c'est ça? Romains chapitre 7. Maintenant, regardez. Allons-y vers frère David, lis le verset 1 et 2. Ignorez-vous, frère, quand je parle à des gens qui connaissent la loi. Écoutez bien maintenant. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Stoppons là-bas. À ce parti, ces versets, si on peut comprendre exactement ce que l'André vous l'a dit, n'est-ce pas? Bon, voici un homme, voici une femme. Tant que l'homme est vivant, la femme est liée par la loi. Mais si le mari meurt, elle est dégagée. C'est vrai, on dit que. Et la Bible explique par la suite, elle enseigne qu'elle sera, si elle est si du moment de son mari devient la femme d'une autre personne, elle sera appelée adultère. Mais si son mari dégage, elle n'est pas appelée adultère en devenant la femme d'une autre, n'est-ce pas? Toute votre question maintenant. Mais si vous suivez très attentivement le chapitre 7, ça précède au chapitre 6, quelque chose est dit là-bas. Que si on est devenu une même plante en conformité à la mort de Christ, par exemple, à la mort de Christ, on est passé d'un autre à une autre personne. Parce qu'il faut qu'il y ait une mort constatée. C'est la mort qui nous dégage de la loi de quelque chose. La mort nous fait dégager de la loi de la condamnation du péché pour nous faire passer maintenant à la loi de la vie. Il faut qu'il y ait une constatation de la mort. C'est pas ce que vous savez. Regardez, alors chapitre 6, verset 11. Regardez. Chapitre 6, maintenant, cette fois-ci, mon cher, verset 11. Écoutez très attentivement. Ou bien prenez-vous à partir du verset 10. Allons-y. Car il est mort. Écoutez, vous entendez ça. C'est pour le péché qu'il est mort. Donc, une fois pour toutes. Donc, il. Qui? Il est comment? Et c'est pourquoi? Donc le but de la mort, c'est pour le péché. Parce que ce qui nous maintenait en relation. Donc, dans le cadre des relations du mariage que l'apôtre Paul nous dit là, ici, le mari deviendrait le péché là. Donc, la seule position de vous, la seule solution de vous pour que vous vous divorciez et pour que tu puisses aller à quelqu'un d'autre, ce qui est la mort. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Continuez. Relais encore verset 10, allons-y. Car il est mort, oui. Et c'est pour le péché qu'il est mort, oui. Une fois pour toutes. Oui. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Oui. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu. Vous voyez effectivement que, en Christ Jésus, vous voyez effectivement que la mort, si nous sommes en conflit, c'est pour ça qu'il va dire cela, si nous mourons avec Christ, subitement nous appartenons directement à un autre, parce qu'il faut qu'il y ait la constatation de la mort, c'est la loi de l'esprit de vie, pour que ça soit manifesté, il faut que quelqu'un meure. De la même façon, comme il a dit dans celui des gens là, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il faut comment? Pour que la vie puisse revenir se manifester et produire, il faut que d'abord que l'être qui est là-bas meure. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, là se trouve donc le principe donc de la séparation avec l'ancienne nature et l'union avec la nouvelle nature. Le principe, c'est qu'il faut que vous soyez mort en Christ. Au chapitre 7, donc, il a de vouloir amplifier la chose en prenant l'exemple entre l'homme et la femme. Et là, maintenant, ça se comprend sur le plan humain parce qu'on vit ça chaque fois. Puis maintenant, il va quitter donc ce rhétorique-là pour entrer dans le cadre spirituel. Il dit de même, par la loi, comme la loi avait fait alliance avec le péché pour nous subjuguer. La même façon, on peut maintenant, vous avez fait n'importe quoi, vous allez seulement obéir au péché. Et maintenant, le péché, les deux sont un. Parce que le péché se trouve dans le premier, c'est le péché se trouve en nous. Il dit donc que s'il veut faire du bien, maintenant quand il fait du mal, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite au frère, en moi qui le fait. Comment on fait pour le dégager? La seule loi pour annuler la loi de l'esprit, quoi, des péchés là-bas, c'est parce qu'il y a une loi, la loi du péché et de la mort. Il faut la loi de l'esprit de vie. Pour que la loi de l'esprit de vie vienne, il faut que le péché soit englouti. On a lu ça aujourd'hui dans le Hébreux chapitre 2, n'est-ce pas? Il convenait que voulant amener à la perfection beaucoup de fils, il souffrit la mort dont il a souffert pour pouvoir amener, pour délivrer ceux qui étaient maintenus tous les jours captifs. Donc l'exemple de l'homme et de la femme, c'est le mariage que la loi a eu avec nous à nous sceller avec le péché. Donc c'est par la loi que le péché a repris vie en nous. Et par conséquent, il faut que ce soit mis à la mort. Quant à la chair, c'est dans la chair que ça se trouve. Maintenant, il faut que quelqu'un meure. Maintenant, se trouve donc l'être humain, celui qui se trouve devant la Romains chapitre 7, se trouve donc dans le mariage. Il veut se séparer du mariage sans passer par la mort. C'est-à-dire qu'il veut se marier avec une autre personne sans avoir divorcé. Et le divorce ici n'est pas possible. Il faut qu'un des êtres meure avant qu'il puisse se remarier. C'est ce que la Bible vient d'expliquer là-bas. Donc, ce n'est pas possible que l'ancienne nature, qui est de l'ancienne nature, qui m'en veut à Christ. Que je m'en veux à Christ. Viens, on part à l'église. Je vous dis que c'est la pire des choses qu'on puisse faire à un être humain sur la terre. Que viens, on part à l'église. Donne ton cœur à Jésus. Le problème se trouve à l'intérieur. Il faut que ça soit traité. Vous savez, n'est-ce pas? Amen. Donc, l'exemple que l'apôtre Paul prend au chapitre 7 des Romains, là, verset 1 et 2, il parle de l'homme et la femme. Il dit du vivant de son mari. C'est devenu la femme d'un autre. Donc, vous ne pouvez pas en même temps avoir la personne qui est la vie et la personne qui est la mort avec vous. Quelqu'un doit quitter la scène. Or, donc, maintenant, avant de connaître Christ, donc, on vit avec celui-là. Comment donc faire pour quitter ici pour avoir avec Christ? Il faut qu'on soit en conformité. Allons dans Romains chapitre 6, là, on était tout à l'heure. Continuons verset 11, là. De même, vous aussi. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, mm-hmm, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mm-hmm. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Oui. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez, nous sommes dans quel chapitre? Oui. Donc vous voyez, il faut que ceux à qui ils sont moins conformants, et c'est-à-dire que le péché n'a plus. À continuer. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Oui. Comme étant vivant du mort que vous étiez. Donc, ouais, effectivement, ces personnes ont quitté cet état là, n'est-ce pas? Des morts que vous étiez. Mm-hmm. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oui. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voici l'explication pour ceux qui sont nés de nouveau. Quelque chose se produit. Quand on n'est pas né de nouveau, il dit que je vais parler à ceux qui ne comprennent la loi. Vous comprenez, en fait, le pourquoi l'essence donne de la mort de Christ. Pour ceux qui comprennent la loi a été donnée comme signe pour ces choses-ci qu'on a expliqué. Et donc les êtres humains qui sont sous la loi sont comme des gens qui sont mariés à une femme et qui ne peuvent pas se séparer tant que l'homme n'est pas mort. De la même façon, quelqu'un qui vit, qui n'est pas en Christ, il est mort, même s'il est vivant comme cela, parce que la loi de la vie, la loi de la condamnation et de la mort se trouve à l'intérieur de lui. Dans sa conscience, il écrit la loi de Dieu. Dans son cœur, il écrit la loi de Dieu. Et quand qui dit loi de Dieu, dit automatiquement péché attaché. Vous comprenez? Maintenant, verset 1 du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, on voit effectivement que dans le chapitre 8, dans le verset 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais d'après l'esprit. Il explique parce que la loi de l'esprit de vie de Jésus, en Jésus-Christ l'a affranchi, l'a délivré. C'est pour ça qu'au verset 20 et 21 du chapitre 7, il crie donc qu'il va lui délivrer de ce corps de mort. Il dit grâce soit rendue au Seigneur Jésus, dont la délivrance vient en unition avec le Seigneur. Donc il expliquait à ceux qui sont sous la loi que tant que vous demeurez sous la loi, vous êtes amis avec le péché. Et c'est ce que le Seigneur Jésus leur avait dit dans Jean chapitre 8. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il s'est contenté d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. Il dit que vous êtes dans la chair de Moïse, là, le péché encore, mais votre péché demeure. Mais le Fils est venu pour détruire les œuvres du diable, pour vous affranchir du péché. C'est, vous comprenez, n'est-ce pas? Et donc, la séparation avec le péché ne vient que par la loi de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit l'opérer à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. Je crois qu'on a vu une fois ici, là, non, c'est pas ici, pourquoi le chrétien continue-t-il à pécher? Donc, ouais, effectivement, que le chrétien peut pécher sans que le péché ne soit à l'intérieur de son membre. Mais un être qui n'est pas né de nouveau a le péché habitant en lui. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Parce qu'ici, il dit que n'obéissez pas à ce qu'on convoitise. Et la personne qui ne peut pas obéir, c'est quelqu'un qui est captif, qui crie, qui me délivre de cela. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? À l'autre, il dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, ça veut dire qu'il est à l'extérieur, il ne peut plus exercer sa puissance sur vous, il ne peut plus vous dominer. Et à l'autre, en train de crier, qui va me délivrer ce corps de mort, quand il désire faire du bien, je vois que je suis en train de faire du mal, parce que le péché se trouve à l'intérieur. Celui-ci crie la délivrance. L'autre si on lui donne l'ordre maintenant que tu peux donc désormais dominer sur lui. À l'autre si on peut lui dire de dominer sur lui parce qu'il est déjà dominé, il est vaincu. Il est esclave de ce qui a triomphé de lui. Maintenant, à celui si on lui dit maintenant, livre maintenant tes membres aussi comme esclave pour la justice. Comme autrefois, tes membres servaient, tu étais esclave pour le péché. Donc quelque chose s'est passé. Le péché a quitté, quelqu'un d'autre a pris place. Dans le roman chapitre 10, on a expliqué la condition de l'être humain. Amen. Oui, frère. Il y a ce passage, toujours dans Romains 7, oui. À partir du verset 21, oui. Qui dit « Je trouve donc en moi cette loi. Oui. Quand je veux faire le bien, oui. Le mal est attaché à moi. Amen. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ici, on a comme l'impression, quand je comprends ça, avec le verset 6, le chapitre 8, mmh. On a comme l'impression aussi qu'on est dans une phase comme une transition. Intermédiaire. Une transition. Mmh. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Donc même l'homme intérieur chez l'homme qui est mort est mauvais. Mmh. Donc par essence, il ne peut pas avoir le désir de faire le bien, même quand ce qui fait mal. La preuve en est que lorsque nous-mêmes nous étions encore dans le monde, il y avait des choses qu'on faisait, mentir, on ne se sentait pas mal à l'aise après avoir menti, on continue, à l'aise. Tu continues dans le chemin. Mm-hmm. Mais si on voit quelqu'un qui par contre dans son être intérieur, il semble qu'il y ait la lumière arrivée, mais il se rend bien compte encore qu'il y a quelque chose qui le retient, qui le brusque, qui le... Et dans son cœur, il a le désir de faire le bien, mais dans sa chair, il se rend compte qu'il est incapable de faire ce bien-là. Donc il est en route. Il est en route, en fait, c'est-à-dire, je vois ici comme un chenette étant déjà en train de travailler, montrant encore une fois, confirmant encore une fois, plus que quand on est choisi de Dieu, lui-même commence à faire le travail, et que arriver vers cette maturité de sainteté, c'est vraiment un passage, c'est un processus que le Seigneur lui-même enclenche dans notre propre cœur pour nous amener vers cette maturité-là. Et dans le verset, dans le chapitre 8, on voit maintenant quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit, qui peut marcher par l'Esprit de manière concrète. Donc délivré de cet état-là. Délivré de cet état-là. Donc aussi longtemps que il restait dans juste le désir de plaire au Seigneur, mais ne pas pouvoir le manifester, il y avait un problème. Mais à partir du moment où maintenant les œuvres de la chair commencent à être crucifiées par la révélation des Écritures, parce que toutes ces choses arrivent par la révélation des Écritures, alors effectivement il ouvre son cœur à ce que le Saint-Esprit vienne de plus en plus se déposer en lui, et que de façon manifeste il soit ancré dans le Seigneur, le Saint-Esprit s'ancre en lui, et qu'il puisse désormais marcher par l'Esprit. Donc, parce que effectivement, je dis, c'est une question. Donc, en clair, la personne n'est pas encore née de nouveau, mais il est dans la situation. Il est dans le processus d'être de la nouvelle existence se manifeste de manière. C'est-à-dire qu'il prenne maintenant véritablement conscience de ce qu'il est devenu en Christ. Parce que quelque part dans son cœur, il a ce désir. Et s'il a ce désir déjà, ça veut dire que le Seigneur commence déjà en train de commencer à travailler dans son cœur. Autrement, il n'aurait jamais le désir de faire le bien. De prendre plaisir selon la loi de Dieu. Parce que quand on parle ici, bien, je pense qu'il s'agit de la loi, pas de la loi écrite, non pas bien de la loi spirituelle. Il désire respecter Dieu. Il semble que dans son cœur, il commence à voir ce que le Seigneur désire. Lorsqu'il dit, par exemple, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Mais il se rend bien compte que dans sa chair, il est toujours faible. Il a toujours ce désir-là. Et c'est là où on comprend aussi parfois la nécessité d'être délivré des puissances qui peuvent agir encore en nous pour nous amener vers la pleine, le plein service à notre Seigneur. Donc c'était ce passage-là que je tenais, qui marquait mon attention par rapport à ce verset de Romains 7. Oui, mon frère, veuillez. Oui, si je veux continuer à ce que le frère disait, dans 1 Jean 3, verset 9, il nous dit que quiconque individu ne pratique pas le péché. Absolument. Donc ça veut dire que, comme on a dit aujourd'hui, celui qui est chrétien peut être influencé par le péché, mais ce n'est plus le péché qui vient. Qui demeure là-bas. Exactement. C'est pour cela que je ne sais pas si est-ce qu'on a parlé de cela, pourquoi le chrétien pêche-t-il encore? Vous avez remarqué dans la Bible, je ne sais pas où, il fallait qu'il me retrouve de l'endroit où on a parlé. Vous lisez 1 Corinthiens, c'est où? C'est ici on a parlé. J'avais posé la question à quelqu'un, j'ai dit, vous pensez que les Corinthiens étaient baptisés Saint-Esprit? Il a dit non. Mais c'est à eux qu'on dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit lui-même. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire mentir l'écriture. David dit, quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est à eux qui s'adressent. Puis il dit au chapitre 5, on entend dire qu'il y a parmi vous une impurité. Et une impurité, pas même que ça reste, non, même pas chez les corps. Ça veut dire que c'est une église qui avait que l'impurité était de haut niveau. C'était une impurité ecclésiastique. C'est-à-dire que même les mondains restaient comme ça, que yes, papa. Les gars, ils sont la lumière du monde, ils nous apprennent les affaires là. Et l'apôtre Paul dit que vous n'êtes pas entré dans l'affliction. Donc, ça ne les dérangeait pas. Frère, ils avaient le Saint-Esprit. Oui, ils avaient le Saint-Esprit. Le maïs que vous avez dans la graine, je crois que c'est la meilleure façon d'expliquer ici. Vous avez les graines de maïs. Toutes les tiges de maïs que vous allez manger plus tard, dans 3 ou 4 mois, se trouvent à l'intérieur. Complète ce que je viens de dire. Ok. Lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, ça vient avec tous les dons que vous allez directement utiliser sur la terre. C'est là-dedans. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, quand il vient sur vous et que vous entendez cette chose, vous faites ouah, ouah, ouah, ouah. Vous allez travailler au fur et à mesure. Vous dites, ah, je peux quelqu'un guérir. C'est pas que ça vient d'arriver là. C'est là depuis. C'est parce que vous saisissez ce que vous avez dit. Donc quand vous avez la graine de maïs, quand vous mettez en terre, vous dites, le jour que vous voyez la pluie du maïs, les pluies du maïs ne sont pas de quelque part pour venir se greffer là-bas. Les feuilles que vous voyez là, ça ne sont pas quelque part. C'est de l'intérieur que ce sont. Enfin, vous-même prenez vous-même les enfants, quoi qu'avec le maïs c'est compliqué. L'enfant qui sort du ventre de sa maman, c'est initialement du liquide. Donc vous tapez la tête un peu comme ça, tapez votre tête, vous entendez. Vous entendez ça? Ce qui est Dieu là, c'est liquide. Vos cheveux, tout ce qui est dit sur vous, c'est liquide. Là, maintenant, vous ne pouvez pas dire que la science, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ceci. C'est liquide. Vous êtes liquide. N'est-ce pas, frère? Dis alors, non, vous voyez le contraire. Vous êtes liquide. L'enfant, quand l'enfant, je veux un bébé tout à l'heure, si vous pouvez faire comme ça, ça même se casse, ça se tord totalement. Et ça garde une forme parce que l'os n'est pas encore fortifié. Mais au fur et à mesure, ça se fortifie. Ce qui est là, qui est encore, qui fait qui, comme un élastique, était initialement liquide. Et on pouvait appuyer ça comme ça et laver dans l'eau, ça disparaît. Ça se fait avec le liquide, mais vous voici fort, vigoureux. D'où est-ce que c'est sorti? Ce liquide, c'est de l'intérieur que ça s'est sorti et ça vient en maturité. Ça sort de l'intérieur pour venir en maturité. Un chrétien donc qui est baptisé le Saint-Esprit, au fur et à mesure, il y a l'œuvre du dépouillement et du revêtement qui se passe. Et ceci vient au travers de l'édification par le Saint, ce même Saint-Esprit à l'extérieur. Je pense que vous saisissez ce que ça me dit. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre intérieure du Saint-Esprit en toi. Il y a une œuvre qui se fait par ta propre méditation. Il y a une œuvre qui doit être faite par l'apport de des ministères, des apôtres, des prophètes sur toi. C'est pour ça que la Bible déclare dans ces Éphésiens-là qu'il a donné les uns comme apôtres. Il dit pour le perfectionnement. On n'appelle pas de perfectionnement des païens. On dit perfectionnement des saints. Ils sont déjà saints. Il faut les perfectionner. C'est ce que l'apôtre Paul faisait avec les Corinthiens haut là-bas. Il dit, j'entends dire par les gens de Chloé que l'un dit que moi je suis des. Il dit, quand vous faites ça, vous êtes encore des hommes. Vous voyez cela? Parce qu'il y a des divisions parmi vous. Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que pour des serviteurs par le moment que vous avez cru selon que l'autre, vous voyez cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a de le corriger. Et quand il corrige, maintenant les gens entrent dans la maturité. Ce n'est pas parce qu'ils se comportent comme ça, comme les païens qui sont les païens. Non. Leur style de jalousie, c'est les jalousies sanctifiées. Leur style de jalousie, c'est les jalousies sanctifiées parce que leur jalousie, il suffit que le Saint-Esprit vienne, pam, et puis ça s'arrête. Mais les autres ne peuvent pas s'empêcher d'être jaloux. Leur style d'animosité est différent. Il dit qu'on entend, quand l'esprit dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni ceci, choses qui sont contraires à la bienséance. Quand il entend ça à l'intérieur, le Saint-Esprit corrige. Mais l'autre là, de l'autre côté, quand on n'est pas régénéré, tu vas dire que non, les calomnies. Il dit calomnie. Ce qu'il te dit là, ce n'est pas la calomnie. Hein. Je ne t'ai rien dit, oh, ferme ta bouche. Il dit comme ça, il calomnie en partant. Il dit, ma bouche, si. Il ne peut pas faire autrement parce que c'est à l'intérieur. Donc vous voyez que les chrétiens peuvent commettre les mêmes choses que les mondains commettent et vous l'accusez même de ne pas commettre devant Dieu, ce n'est pas ça. C'est pas ce que c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'ils feront faire? Le Saint-Esprit donne le ministère de perfectionnement, de nettoyage. Au Galates, au chapitre 3, il dit, qui vous a ensorcelé? Il parle de l'envoûtement. Que ceux-ci, on les a venus envoûter par un style d'enseignement. Au point où ceux qui avaient commencé par l'esprit veulent maintenant achever par la chair. Il dit celui qui opère des miracles parmi vous, le fait par la prédication de la loi ou bien par. Où est-ce là non? Donc ils avaient même le miracle parmi eux qui se passait par l'esprit. Mais jusque-là, on pouvait les enseigner parce qu'il dit quoi? Mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'entendement jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc ils sont baptisés du Saint-Esprit sans que Christ ne soit formé encore en haut. Ils ne sont pas matures. C'est ce que l'André vous l'a dit. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité où ils ne peuvent être ballottés. Et donc l'apôtre Jean donc va dire que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et comme son onction là vous enseigne toutes choses et que son enseignement est vrai, demeurez là-dedans. Donc vous tenez dans la parole. L'onction plus la parole égale un bougeable. Vous avez l'onction, vous ne lisez pas la parole, ça va vous bouger, vous serez influencé parce que vous avez cette double nature là qui va vouloir se manifester. L'ancienne nature, les œuvres mortes, parce que l'enseignement vient et te révèle les restes, vous savez quand le serpent mue, et puis les restes des feuilles là, qu'il faut enlever. Cette chose là, parce qu'on dit dépouillement. Éphésiens chapitre 4, regardez encore ça une fois de plus. Donc quand on dit que les chrétiens sont saints, quelqu'un a de penser que quand on dit que les chrétiens sont saints, c'est parce qu'il a arrêté les péchés, que non. Parce que vous ne serez pas saint sur la terre totalement, sur ce que vous quittez la terre. Amen. Le niveau de la sainteté parfaite, c'est Dieu qui l'a. Donc, tu vas atteindre un degré que lui a décidé pour toi. Amen. C'est pour cela qu'il y a les différents couronnes là-bas, frère. Mais pour lui, il a amené tous ceux qui sont nés de nouveau à la perfection. Amen. C'est l'écriture, ça. Ah non, nul, frère Junior, nul n'est parfait sur la terre. Oui, sur la terre, nul n'est. Mais Dieu dit que les gens pour qui Christ est mort sont parfaits. Amen. Et pas qu'ils seront parfaits, ils sont. Amen. C'est ça qui est curieux. Qui croit que c'est la vérité? Amen. Vous croyez que c'est ça? Amen. Ok. Alors, il a achevé la perfection. Il a fini avec cela. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible déclare qu'il a amener à la perfection pour toujours. C'est grave pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont quoi, frère? Sanctifiés. Donc le vrai problème, c'est savoir si oui ou non tu as été sanctifié. Eh bien, quelqu'un dit au sein de ah, donc j'étais à la perfection, mais pas en mode de nuit. Ça montre que tu n'as pas été sanctifié. C'est ça le problème. Puisque la Bible déclare que quand on a déjà délusé, comment retournez-vous à ces choses-là, pas vrai? Il y a dit qu'elle est déjà ici, là. Éphésiens chapitre 4, non? Éphésiens chapitre 4. Regardez, c'est l'un des passages de la Bible que j'aime beaucoup. Regardez, suivons le verset 17. Regardez. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le monde. Dans Donc, ça veut dire qu'on se trouve où? Dans donc, ceux à qui s'adresse se trouvent à l'aide de où ça? Dans le Seigneur. Vous voyez cela? Dans le Seigneur. Ou mieux encore, ça veut dire que vous, si vous êtes en Christ, voici la direction. Regardez. Ce que vous ne devez. Ah, mon frère. Vous ne devez plus marcher. Donc, oui, effectivement, que les êtres humains sont sur la terre. Ah, non, je suis chrétien. Non, nous sommes sur la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. Pour la liberté que nous a affranchi. Il dit, ok, je suis affranchi pour la liberté. Non, oui. Et s'il y a un autre style de marche, et remarquez très attentivement. Le Seigneur Jésus dit, écoutez, vous êtes frère, c'est pas moi, c'est sa parole. Si ça vous choque, ça vous choque. Il met le joug sur nous. C'est ce qu'il lui a dit. Il a porté mon. Et quoi? Son fardeau. Vous avez entendu ça, frère? Essayez d'imaginer en maintenant ce qu'on appelle joug et fardeau. Allons-y. Charge. Hein? Pointe quelqu'un. Dis, Seigneur Jésus a ses fardeaux. Oui, tu as été appelé pour la liberté. Mais c'est une liberté chargée. Si on n'a pas compris, il a dit, prenez mon joug sur vous. Et prenez mon fardeau, n'est-ce pas? Alors, quand il donne sa part de fardeau, vous devez savoir que quelle est sa part. Vous quittez d'un fardeau à un autre. Vous quittez de l'esclavage, un esclavage à un autre esclavage. Puisque la Bible déclare dans ses Romains, chapitre 6, là-bas, qu'autrefois, on avait livré notre membre comme esclave au. Maintenant, on dit maintenant que offrir ces mêmes membres comme pour la justice. Donc, tu es obligé de faire le bien. Amen. Donc, ces membres, tu es obligé de faire le bien. La bouche, tu es obligé de dire ce qui est bien. Amen. Tu es obligé d'aimer les ennemis. Ça te fait mal quand même. Tu aimes. Amen. Tu vois comment le fardeau est difficile, là, frère. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Autrement dit, si on est dans le Seigneur, notre pensée doit être différente du style de pensée mondain. Mais qu'est-ce que les chrétiens du 21e siècle font? Ils regardent ce que le monde est au copier comme musique. On prend le rythme, on dit qu'on va sanctifier. La Bible lui dit, ne pensez pas comme eux. On pense justement comme en les imitant. Rap chrétien, hip-hop, pique-nique, défilé de mode, style d'habillement, soirée chrétienne. Et juste parce que quelqu'un était venu me dit, frère Junior, j'ai eu une inspiration. J'étais curieux de savoir l'inspiration. Il dit, je ne veux pas créer une boîte de nuit chrétienne, on met le jeu de musique chrétienne là. Il croit que la sœur enseigne quelque chose. Il dit, pardon ma soeur. Il dit que je voulais comme ça créer une boîte de nuit. Ça ne va dire que vivez en Jésus. Ah, c'est le nom que Dieu lui a donné. Donc c'est que ça déconvient là-bas. Comme les gens pas danser en boîte de nuit, vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous vous demandez qu'est-ce qui anime les gens. C'est-à-dire que normalement, il devait avoir un DJ chrétien cette fois-ci. Oh, comment on met le bougre de rien, mais plus le bougre en croix. Qui yo yo yo yo. Et puis il fait tu. Je suis dans la joie, pour cette joie. Tout le monde danse la nuit. Pendant que vous rentrez dans la nuit, le monde rentre dans la nuit. Vous êtes où là, frère? Et il a de l'inspiration. Quand il faisait l'inspiration, bien sûr, ce qu'il écrit le projet. On va acheter tous les CD, les donne moi et autres là pour jouer là-bas. Vous voyez là ce qu'il en est, n'est-ce pas? Remarquez très attentivement que dans l'essence de la manifestation physique, on ne voit rien d'impur. Mais la pensée ne vient pas de Dieu. Mais dans sa pensée, elle a des pensées qu'elle peut le faire Dieu comme ça. Ici, il dit qu'on ne devait plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Regardez bien cela, le groupe de mots là. La vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Donc, la nature de Dieu. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, parce que la nature de Dieu ne se trouve pas à l'intérieur d'eux. Quand tu as la nature de Dieu, tu commences à. La crainte de Dieu est automatique. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils peuvent se livrer de n'importe quoi. Vous voyez une fois, je vous avais dit ici que vous voyez quelqu'un qui fume. Laisse-le fumer sa cigarette, parce que quelque chose en lui réclame la cigarette. Oh non, tu fumes trop. Dieu n'aime pas ça. ce qui est en lui est un problème. S'il est affranchi de ces choses-là, tu vas mettre la cigarette là-bas, tu vas dormir, il ne doit pas fumer. Mais s'il essaye de forcer de fumer, on va faire maintenant un style de tabac pour dire, pour le tromper, pour dire que arrêtez ce papier. C'est quand vous voulez fumer, fumez ce papier, c'est mort, ça montre qu'il est possédé. C'est-à-dire qu'on dit, pour qu'il puisse arrêter la cigarette, il faut commencer à fumer la cigarette qui n'a pas de nicotine. Il faut qu'il fume quand même. Donc quelque chose réclame. C'est cette chose qu'il réclame qu'il faut traiter. Vous attachez son doigt comme ça, il va mettre la cigarette, il va fumer aux autres. Parce que ce n'est pas son doigt qui est le problème. Parce que quelque chose réclame cela. Vous dites à quelqu'un qu'arrêtez de fumer. Comment il va arrêter de fumer? Parce qu'elle n'est pas plus en boîte de nuit. Qu'elle n'est pas plus en boîte de nuit. Ce qui est à l'intérieur veut l'amener là-bas. Donc même s'il reste tranquille, tu vas entendre le pied commencer à taper comme ça là. Sans qu'aucune chanson ne chante. Parce que la boîte de nuit se trouve à l'intérieur. Donc il faut. Donc, regardez. Laissez-la tranquille, aller dans sa boîte de nuit. Peut-être en partant là-bas, un jour on va le gifler comme ça là, en rentrant, il a dit, c'est là où ça va délivrer de ces choses-là. Vous gardez la personne là-bas que non, reste, ce n'est pas en boîte de nuit, pas en boîte de nuit. Vous gardez la chair. L'âme est en prison. Son âme est en prison. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc vous avez quelqu'un qui est là. Prier, la seule chose que vous pouvez faire sur la prison, c'est de prier pour elle. Amen. Non, viens, on part à la prière. Pendant qu'on prie, vous allez prier. Qu'est-ce qu'il se passe? Il est étranger à la vie de Dieu, il ne comprend pas. Il dit, mais vous touchez au babado au même moment comme ça, Dieu entend même. Parce que la vie de Dieu, pour lui, il comprend que Dieu a deux oreilles seulement, qu'il faut qu'il soit attentif pour une prière. Il dit que non, ce qui m'énerve, c'est qu'il prie tous au même moment. C'est à toi qu'on s'adresse. Quand vous priez 4 millions ici, Dieu n'entend pas. C'est comme un païen qui m'avait dit là-bas que frère Junior, tu sais quand j'ai prié, non. Il dit c'est quand il y a la finale à la Coupe du Monde. Ils ont de ces inspirations ici. Que c'est quand il y a la finale à la Coupe du Monde. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout le monde est concentré sur l'écran. C'est là maintenant, lui parle maintenant prier. Parce qu'il est sûr maintenant que tous les gens ne vont pas déranger sa prière. Donc pour lui, quand les gens qui sont allés voir le match là, comme ils sont concentrés, c'est au moins que Dieu au moins est libre maintenant pour l'écouter. Ce sont ces genres de pensées. On dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc même si Dieu n'aime pas quoi qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il ne peut pas savoir. Peut-être que je fais des choses, ça marche. Je fais le business, ça marche. C'est moi qui ai découvert telle formule. J'ai monté telle entreprise. C'est sur ça qu'il va se baser. Mais à l'intérieur de lui se trouve l'ignorance. C'est-à-dire que même s'il crée l'emploi, ça brille comme ça. Il crée l'ordinateur, le nouveau, le groupe quoi, IBM. C'est quand même l'ignorance. Dit la Bible. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité, jetés à la cupidité. Mais vous voyez, une fois, on a les mains en contraste deux styles de personnes ici. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Remarquez bien le mot là-bas. Appris Christ. Donc, il y a un enseignement de Christ qui va te faire quitter d'un niveau pour que tu sois différent de quelqu'un. Regardez. Il dit, si du moins vous l'avez entendu et si, conformément à la vérité qui est en Jésus. Il dit, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Ouais, l'œuvre de dépouillement, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas aller, je ne sais pas ce que vous, quand il parle, vous m'insistez. On ne peut pas voir quelqu'un en route, une jeune fille qui porte son pantalon, il dit que non, ne porte plus ton pantalon. À eux, on ne donne pas les instructions de dépouillement. Parce qu'on ne peut pas dépouiller la nature extérieure alors que la nature intérieure n'est pas renouvelée. C'est la personne qui a la vie de Dieu maintenant, à l'intérieur, qu'on doit donner les instructions. Sinon, c'est la personne qui est à l'intérieur ne doit même pas se soumettre à la loi de Dieu. Pourquoi donc on va faire que son extérieur soit conforme à Dieu? Vous voyez quelqu'un qui fume la cigarette, il boit la bière, sous le. On ne dit pas que non, c'est pas ça. La seule chose à faire, c'est que le Seigneur touche ce qui est à l'intérieur. Quand le Seigneur touche ce qui est à l'intérieur, ça vient naturellement. La personne ne le fait plus parce que vous lui avez dit. La personne le fait maintenant parce qu'il sait effectivement qu'il a une connexion avec le Créateur. Et que le Créateur ne veut au travers de lui. D'accord? Et par conséquent, les chrétiens, quand ils sont régénérés à l'intérieur, ils peuvent, pour d'autres, entrer en maturité directement. C'est le cas de l'apôtre Paul. Il n'a pas eu à faire 3 ans pendant comme les autres là pour pouvoir apprendre quelque chose. Et même, la grande révélation qu'il avait au fur et à mesure que le Seigneur lui apparaissait dans le désert de l'Arabie, pendant qu'il était là-bas dans le désert, quand il faisait toutes ces choses-là, les choses que Dieu lui disait là-bas, il n'avait pas dit ça avec les autres sur la terre. Vous voyez ce que je suis dit, n'est-ce pas? La Bible déclare dans ces Actes 19 là-bas que lorsque Ananias l'a baptisé, quand il s'est levé le troisième jour, quand il a été baptisé, il a entré, il a commencé à prêcher que Jésus-Christ est. Jésus est le. Il y avait un livre qui était écrit que Jésus est le Christ, frère. Avant d'aller de Jérusalem à Damas, il connaissait que Jésus était le Christ. Qui lui a enseigné? Et la Bible déclare que c'est par la loi qu'il cherchait maintenant à convaincre les gens que Jésus était le Messie. comment faut différencier ça? Pourtant, il y a ça 4 minutes, celui qui tue les gens, qui tente de parler, ouvre encore ta soupape, parle, disait non, Jésus, viens, Jésus. Maintenant, c'est lui qui annonce le même nom, qui est persécuté. Vous voyez que ce n'est pas Dieu qui fait cette œuvre-là, c'est différent, n'est-ce pas? Et maintenant, regardez pour l'apôtre Paul, la façon qu'il a traité en lui. Regardez pour l'apôtre Pierre, haut de là-bas. Il dit, oh, ici dans Luc chapitre 24, nous avons lu tout à l'heure, au verset 25, il a dit que oh, les hommes qui sont là à comprendre tout ce qu'on dit, les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entre dans sa gloire? C'est ce qu'il a donné reproché. Donc même jusqu'à sa résurrection, les autres n'ont pas cru. On a venu même dire qu'il est ressuscité. L'autre a dit que je ne peux pas croire. Même Thomas, on a dit que je l'ai vu. Il dit, toi, tu as vu. Il dit, si moi, je ne vois pas comme ça, je ne crois pas. Pourtant, il a passé plus de 3 ans avec lui. Pas vrai, frère? Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'après avoir apparu avec tous ces gens-là, il lui aussi apparu comme un avatar. Mais il n'a jamais eu d'ambiguïté depuis le jour qu'il lui a apparu. Qu'est-ce qui se passe? Les semences semées en terre ne produisent pas sur la même époque. Les semences produites sur la terre, c'est pas parce que vous êtes dans une même classe, on donne le même cours. On donne seulement 2 lignes de résumé. Que retenez, fermez le cahier. Après on dit que respectez le résumé. Tu mets quelqu'un comme ça. C'est comme si tu n'as jamais entendu le résumé dont tu as parlé. Alors qu'avant que tu nous aboutes, d'autres balancent ça comme ça. Dites c'est comment? La constitution pour la rétention est faite différemment. Donc selon la nature de la terre et de la semence que Dieu a destinée pour toi, la conversion peut être rapide, automatique et transformation rapide, croissance rapide. Pour d'autres, la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 18, chapitre 14, versets 18 et 22, la Bible déclare que Dieu lui-même a permis, a mis chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il a placé les membres qu'on considère comme les faibles pour que les forts puissent les soutenir. Donc même ceux qui sont en retard dans la connaissance, dans la croissance, sont nécessaires. Vous voyez ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Il est sage, infiniment sage. Et par conséquent, les chrétiens croissent à la maturité selon Dieu. Pas qu'on aura tous la même connaissance, jamais. On n'aura jamais la même connaissance. On aura le même esprit sans jamais atteindre le même niveau. Jamais. C'est le même sang qui coule dans tout votre doigt là. Mais même si le doigt se voulait grandir pour arriver là-bas, tu vois, pourquoi tu fais comme ça que celui-ci baisse pour aller à son niveau? Mais le même sang, tout ce qu'on fait, ça c'est les répartitions et même. Personne ne peut se vanter qu'il est plus que telle ou telle personne. Chacun seulement à sa place. Donc, le plus de Saint-Esprit ne veut pas dire que plus tu as la connaissance, plus. Non. Le Seigneur va révéler la connaissance à ton degré selon qu'il a développé pour toi. Vous allez prendre un grain de maïs, un poignet de grain de maïs, vous mettez dans votre paume de main. Vous ouvrez votre frère, vous ouvrez la terre comme ça, vous mettez 3 grains, vous avancez. Vous avez fait sur une épi de maïs. Vous êtes surpris que ce maïs sort. Il y a un maigrichon de maïs, un épi de maïs qui est petit comme ça. Puis un autre sort cabosse comme ça. Vous dites, celui-ci sort d'où? Vous sortez là-bas, l'autre est rouge, totalement jaune, l'autre est totalement rouge. Vous demandez qu'il sorte, pourtant vous avez sorti ça de même épi de maïs. Sur la même terre, qui ressort la même eau. Vous avez fermé le même jour. L'autre sort là-bas, la tige sort, ça géancie, aucun maïs ne sort sur ça. Demande celui-ci sort d'où? Pourtant, c'est le même maïs que vous avez fait. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est Dieu qui a mis cette disposition-là sur la terre. Amen. Ils vont chercher là-bas. Une fois-ci, il est bien compris. Vous entendez là-bas? Non. Si j'ai bien compris, en fait, dans le Romains chapitre 7, l'apôtre Paul en train de parler de la condition de l'homme dans la chair. Parce que déjà, ce soupir que nous trouvons au verset 14, je pense à mon humble avis que ce soit le soupir de l'homme qui vient dans le péché. Parce qu'on dit, l'apôtre Paul en train de parler de la condition de l'homme dans la chair. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous serons par conséquent sujets aux actions du péché. Dans le péché encore habite dans laissez-moi finir. Qui sont contraires à la nature, au fait, qui sont contraires à l'esprit. C'est-à-dire que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous serons sujets aux actions de la chair. En fait, l'apôtre Paul nous donne la délivrance au chapitre 8. Il dit si l'esprit de celui qui a été enlevé le ventre tout. Mais l'âme là, attends frère, est-ce que là on est mort? En fait, non, laisse-moi finir, tu vois. Non, en fait, tu vas t'éloigner. Tu viens de dire deux choses. Tu dis au verset 14, avec le soupir, ça montre la condition que aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, n'est-ce pas? Parce que c'est pas du quotidien le soupir de quelqu'un qui vit dans le péché. C'est pas. Oui, c'est ce que le frère français relevait tout à l'heure là. Donc c'est quelqu'un qui connaît déjà la crainte de Dieu au moment, il veut s'en sortir, il cherche à s'en sortir. N'est-ce pas? Mais il sonne de dire, si tu viens de dire qu'aussi longtemps qu'on est dans le. Lorsqu'on le lit très bien, on comprend bien. En fait, l'apôtre Paul nous dit que lorsque nous serons dans ce corps de péché, nous serons sujets à ses actions. Et plus que nous avons le Saint-Esprit ramènera toujours nos pensées qui, chercheront, au fait, les pensées qui chercheront certainement à accomplir les désirs de la terre, le Saint-Esprit ramènera toujours nos pensées. Donc, à nous, avec le Saint-Esprit, nous, quand nous allons peut-être le prendre. En attendant, dans le péché, là, habite où quand, dans ces conditions, tu en es parlé, il habite où? La chair, puisque le corps, ce qu'on a encore été racheté. Il faut faire la différence entre le péché et la chair. Hein. Mm-hmm. Faut faire le péché, c'est un être. Non, attends, le péché là-bas dans Romains chapitre 7, on parle de le péché comme étant un esprit qui habite dans le corps et qui nous pousse dans ses actions. Mm-hmm. Le verset 8, le chapitre 8 nous montre clairement que ça a été mis à l'écart, qui ne se trouve plus à l'intérieur. C'est ça qui est le Saint-Esprit. Non, il dit la venue du Saint-Esprit en nous le met hors d'état de nuit. Ça dit qu'il est sorti du corps, pas qu'il habite encore là-bas. Nous serons toujours sous son influence. Comment ça? Attends, si on l'a mis hors d'état de nuit, il sera encore à l'intérieur. Il avait dit quoi? Sous ton influence, ça veut dire que quoi? En fait, le Saint-Esprit, ça veut dire que les mauvaises pensées vont forcément vous passer à l'esprit, des mauvais désirs. Frère, allons-y doucement. Peut-être on a dit beaucoup de choses. La personne qui se trouve dans Romains chapitre 8, a-t-il encore le péché qui habite en lui? Pas du tout. Alors, on sait que le problème est réglé. S'il n'a plus le péché qui habite en lui, il a été racheté la partie à Jésus. Tout le reste qu'il fait maintenant, c'est le processus pour pouvoir vivre dans la sainteté. Mais la personne qui se trouve dans Romains chapitre 7 se trouve que le péché se retrouve à l'intérieur de lui. Il cherche la délivrance de cela. C'est deux choses différentes, d'accord? Il cherche la délivrance pour que ce soit un miracle qui me délivrera de ce corps de mort. Je vais faire du bien, je trouve dans mes membres. S'il n'est pas même plus à faire le bien que je veux, alors que ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché. Il a dit clairement, c'est le péché qui habite en moi. Tu vois, maintenant, chapitre 8, elle a été délivrée, dit que le péché dans le règne blanc ne règne donc plus dans votre corps et n'obéissez plus à sa convoitise. Donc, c'est deux personnes différentes. Mais ce qui est en train d'expliquer depuis ici, c'est que tant que le chrétien. Comment? La chair encore là. Non, personne ne dit le contraire. Et le péché ne le traite pas par rapport à l'esprit, c'est la chair. Ce que son dit, c'est que le péché, c'est un être spirituel. Et ce qui lui donne la puissance, c'est la loi de Dieu. D'accord? Ce qui lui donne la puissance, c'est la loi de Dieu. Pour qu'une loi soit annulée, il faut une autre loi. C'est la loi qui annule la loi. On ne désire pas comme ça, on décrète. Il faut une loi pour annuler une loi. Regarde par exemple dans le livre de Daniel, quand Daniel avait été convaincu, il y avait une loi des mecs, on dit que c'est irrévocable. D'accord? Une loi est sortie que c'est irrévocable. Si quelqu'un transgresse cette loi, il sera jeté dans la fosse au lion. Le roi lui-même ne pouvait rien. Parce que la loi dit cela, il doit obéir. La seule chose à faire, c'est qu'il faut que ton Dieu puisse te délivrer. Il était obligé d'obéir à la loi. Malgré qu'il savait que c'est un gars tapis qu'il avait tendu à Daniel. On l'a lancé là-bas. Mais le fait qu'on a lancé Daniel là-bas, il avait donc exécuté sa peine. Donc, il était dans ce que s'il sort là-bas vivant, il n'était pas dit que quand tu vas entrer dans la fosse de l'eau, tu dois mourir. On a dit que tu dois seulement entrer. Il est entré, il est sorti. Donc, la loi s'est exercée sur lui. Ici, donc, se trouve dans la loi du péché. Si le péché, si ce n'était pas ces choses-ci, le Christ ne serait pas venu. Si c'était à l'extérieur du corps, Christ ne serait pas venu pour cela. À, chapitre 8 de Romains, là, prenez cela. Lisons à partir du verset 1 doucement jusqu'au verset 6. Écoute maintenant le pourquoi il a dû prendre chair maintenant. Tu peux nous lire ça vraiment bien, mon cher. Tu peux nous lire vraiment. Verset 2. Selon le verset 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui ont. Pourquoi ils ne sont plus condamnés? Parce que quelque chose a été exercé, ils ont été justifiés, n'est-ce pas? Allons-y maintenant, suivez attentivement maintenant. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu as vu la loi qui est venue, n'est-ce pas, frère? Vous avez vu la loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a séparé. Le mot affranchi là-bas veut dire délivré. Donc la personne qui criait là-bas, la délivrance lui a été accordée. Continuons. Car chose impossible par la loi, parce que la chair la rendait sans force. Oui. Dieu a condamné le péché dans la chair. Tu as entendu ça, frère? Donc ne dis pas aujourd'hui que nous sommes sur la chair. Ce n'est pas une réalité que nous avons maintenant. C'est pour cela justement que Dieu a dû prendre la même chair. Parce qu'il savait que c'est la chair qui cause problème. D'accord? Allons-y. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Continuons. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Stop. Vous voyez le but pour lequel le Seigneur est venu, n'est-ce pas? Le péché était condamné à notre chair. Il a dû faire venir son fils dans une chair semblable à la nôtre pour condamner le péché là-bas. Condamner le péché en faisant quoi? En payant le sacrifice. C'est-à-dire que ce qui exige ce péché-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok, Christ est mort, oui. Il est mort. À cet instant-là, le péché perd son pouvoir d'exercer sur nous. C'est le principe là-bas. C'est pas que tu vas injecter le sang de Jésus, que non, tu prends quoi, tu prends le sang et tu frottes sur toi, ça enlève. C'est pas ça dont il est question. Ici, il dit car chose impossible parce que la loi l'a rendu. Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à la nôtre. Il dit, et cela afin que Afin que quoi, frère, écoutez bien, c'est de la vérité. C'est les grandes vérités de la vie chrétienne ici. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Stop. Regardez très attentivement que le Saint-Esprit ne dit pas afin que la justice de Dieu. Il veut toute votre attention. On a du temps un peu là. Le Saint-Esprit ne dit pas ici afin que la justice de Dieu, ou bien tout simplement justice. Il dit la justice de quoi? Parce qu'en fait, le péché puisait sa force dans la loi. C'est de cette même loi que vient, ok, tu l'as condamné, je le justifie. C'est pour ça que quand le chrétien va se tenir devant le Seigneur, Satan n'aura point de traces pour pouvoir le condamner. Parce que tout le prix, il a payé. Amen. C'est-à-dire l'exigence, ce que la loi disait qu'on devrait faire, qu'on ne pouvait pas faire, il a fait pour nous. Par conséquent, nous sommes justifiés, non par notre propre force, mais parce que quelqu'un a payé le prix. Et si quelqu'un a été condamné en prenant notre condamnation, on ne peut pas payer pour condamner quelqu'un deux fois pour la même peine. Tu vois cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc le fait que le Fils a porté derrière la chair pour entrer dans notre condition montre qu'il connaissait notre condition. Et il connaît qu'on était misérable, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin d'un sauveur. Et si le sauveur est venu, il a effectivement accompli l'acte du sauveur. Il faut seulement que nous croyons. Quand on croit, c'est terminé. Les exactions que tu reçois, les incursions du camp de l'ennemi. Remarquez très attentivement que quand Israël était dans ton territoire, ça n'a pas empêché qu'ils aient les attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi peuvent le bouger de son territoire. Israël a son pays. Quand vous avez votre Canaan, vous entrez dans Canaan, vous avez votre seau. Quand vous avez votre seau, l'ennemi va venir n'importe comment, par un chemin, il va rentrer par sept. Mais dans le désert, c'est autre chose, frère. C'est un autre style de vie. Dans le désert, vous tentez de posséder Canaan. Tentez d'entrer dans le pays promis. Quand vous y entrez, rien ne vous bougera. Vous parlez n'importe comment, voici la limite que Dieu m'a donnée. Malgré cela, malgré qu'Israël soit fautif n'importe comment, il est toujours dans son pays. Ils vont faire les faits, amener les faits, traîner là-bas. Le pays d'Israël reste le pays d'Israël. Parce que c'est le lieu de la promesse. Le lieu de la promesse, c'est le sceau, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, vous montez, vous descendez, n'importe quoi qui arrive, le Saint-Esprit est là pour arranger la chose. C'est ça l'entière question. Tu peux fermer maintenant. On ne peut pas vivre selon la chair et plaire à Dieu. N'est-ce pas? Quand le problème est réglé en Christ, l'Esprit vient maintenant pour qu'on vive maintenant selon la voie qui plaît au Seigneur. Des questions? Oui, mon cher Laurent. Oui, frère, je voulais poser la question de savoir, lorsque Paul l'apôtre dit, c'est Zénama. J'aime cette appellation. Mais d'où est-ce que tu sors aujourd'hui, là, frère? J'aime cette appellation. Regardez la façon dont il dit. Il dit Paul l'apôtre. Parce que c'est différent de l'apôtre Paul. Vous voyez ça? Ça, c'est l'appellation biblique là maintenant. Paul l'apôtre. On l'appelle l'apôtre Paul. Bon, continuez, s'il vous plaît. Lorsqu'il dit, c'est pas là. Il dit, Zéna m'a abandonné pour l'amour du monde. Je l'ai livré à Satan. Est-ce que c'est Zéna là? Qu'est-ce Zéna, frère? Zéna, c'est Demas. Oui. Zéna, c'est un docteur. Lui, il est avec pour l'apôtre. Oui. Ayant le Saint-Esprit, mais comment se fait-il qu'il a livré à Satan après? C'est sûr qu'il a livré à Satan. Bon, du moins, sinon la libération. Tu veux qu'on lise là-bas, on voit. Oui. Il faut qu'on regarde d'abord. C'est où ça, frère? Il a énoncé cela quelque part. Oui, non, on va trouver, c'est clair que c'est dans l'un des 66 livres là-bas. Oui, il va falloir qu'on aille. On peut regarder. Parce que par rapport à ce que tu as dit, on oui. Veut savoir, celui-là qui avait le Saint-Esprit, comment se fait-il? Où donc ta Bible alors? Où ta Bible? Ouvre ta Bible alors, ouvre ta Bible. De Timothée. C'est une question qui est pertinente. C'est pertinent. Pourquoi vous riez? Donc, ouvre donc ta Bible, tu lis dans l'endroit pour qu'on puisse avancer, parce qu'il faut qu'on vérifie maintenant. Allons-y, 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10. Après, tu vas me dire, tu vas aussi lire pour Crescent. Et puis, on va voir maintenant ce que Crescent aussi a reçu. 2 Timothée, chapitre 4. Non, prenons à partir du verset 8, avant qu'il descende. Tu as vu, frère? Bon, lis ici, allons-y. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non, non, attends, lis, c'est à vous de désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Mmh. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé ton avènement. Oui. Viens plus tôt vers moi. Car Damas m'a abandonné. Quel Damas, mon frère? Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Oui. Et il est parti pour Thessalonique. Oui. Tite. Crescent. Crescent est allé à Galate et Tite à Damasien. D'accord. Il dit que... Non, laisse comme ça, mon frère. Laisse, d'accord. Les femmes l'ont préparé l'eau à boire. Oui, quoique, on a quand même plus assez de temps aujourd'hui là. Parce que le lendemain, encore, c'est encore dans le jeûne. C'est là qu'il fait mon frère voir, il est comme eux. Mon frère là, tu as vu là où il a livré à Satan? Ouais, ouais, le problème avec la Bible là, n'est-ce pas? Vous pouvez voir quelque chose là où ça se trouve pas. Peut-être dans son verset biblique, dans sa version. Ça s'est trouvé. Eh mon cher frère, séparer, servir les frères ici. Tu penses avoir lu ça? On a livré qui? Tu penses que c'est qui? Qu'est-ce qu'on a livré? Est-ce que c'est des masques qu'on a livré? C'est une autre personne, n'est-ce pas, frère? Donc tu pensais, ok, maintenant, arrivons là-bas, et si on arrange même la question, tu voulais dire quoi en disant que comme il est parti pour le monde, avec tout ça? Par rapport à ce que tu as dit, que l'auteur est un seul esprit, il ne peut pas être touché. Mais il ne comprend pas ce que tu dis, frère, tu dis. Que quelqu'un ayant le Saint-Esprit ne peut pas être touché de ce Saint-Esprit. Oui, parce que c'est la personne que tu dis qu'elle a déçu, qui a livré l'île. On arrive là-bas, il sait sur mon frère. C'est lui qui a dit que qui nous éloignera de l'amour de Dieu. Dans Romains chapitre 8, qui se bâtit verset 29 jusqu'au verset 35. Il dit, serait-ce la mort, la tribulation? Qu'est-ce qui peut nous éloigner donc de l'amour de Dieu? Dis-nous ce qui peut nous arriver. Quand cette relation a été déjà connectée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut donc arriver? Quand elle a dit que je n'aime plus, rien ne peut te séparer. Cet amour-là est inconditionnel. Quand il avait dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit que je les nettoierai, je purifierai de leurs péchés, je mettrai mon parole, mon esprit en eux. Quand il a dit ça, il n'y avait pas de condition. L'œuvre de Dieu était sans condition de l'apport humain. Amen. Tu vois ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, tout ce que nous voyons sur la terre, même si quelqu'un bavarde n'importe quoi sur la terre, si, quand Christ mourait, personne de nous était là. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est que nous entrons dans ce salut-là par la foi. Pourtant, cela a été déjà accompli. Et vous dites en jurant que non, Seigneur, tu as pardonné mes péchés à la croix. Et quand il le faisait, tu n'étais pas là. Ah mon Dieu. Donc ça veut dire que tes péchés ont été longtemps pardonnés avant que tu naisses. Et tu te rends compte qu'en 2017, peut-être que quand tu es au Seigneur Jésus-Christ, tu dis waouh, que Christ est mort pour moi. C'est pas là qu'il est mort. Il est mort il y a cela plus de 2000 ans. Je ne sais pas si vous comprenez l'implication. C'est vraiment dit que pendant qu'il était à la croix, si vous êtes entré dans cette œuvre-là, pendant qu'il était à la croix, tu y étais avec lui. Parce que tu étais dans ses pensées. Il t'a amené par prédestination. Et là, tu y entres par accomplissement. J'espère que maintenant, avec l'ambivant comme ça, vous allez lire maintenant sans faute de l'ambivant. Oui, mon cher. Ma part de question est simple. Donc, je voulais savoir le pourquoi quand on lit la Bible, on ne lit toujours pas les versets. C'est ce que je veux savoir. C'est-à-dire, essaie d'expliquer ça autrement. C'est-à-dire qu'on ne lit pas les versets comment? Pas les versets, donc, parce que normalement, Dieu m'a appris à lire la Bible, donc il m'a fait comprendre que pour lire la Bible et mieux comprendre, lire par le titre. Par le titre comment? Donc tu finis le chapitre. Quand tu lis le chapitre. Oui. Bon, si tu lis tout le chapitre alors maintenant, si tu comprends, tu voulais dire que désormais c'est comme ça qu'on doit lire. Je ne comprends pas la question. Non, c'est pour cela que je veux savoir. Non, qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Vous avez servi le aussi à souffrir, Seigneur. Donc tu veux savoir que pourquoi on lit pas les versets? Oui. Ici ou bien nous, où chaque personne a sa Bible, celui qui a sa Bible. Quand tu as la Bible, tu lis comment? Non, c'est parce que vous ne lisez pas les versets. En lisant comment, par exemple? Comme un seul verset, vous lisez tout le Ok. C'est-à-dire, par exemple, si tu me demandes, par exemple, que qui était le mari de Joseph, de Marie, je vais lire tout Matthieu chapitre 1 jusqu'à ce que ça finisse, avant qu'il dise c'était Joseph. C'est ça, frère? C'est pour mieux pour comprendre. Pour comprendre, donc je vais dans le verset qui va vous faire comprendre. Le reste de la lecture et de la méditation, c'est à votre charge. Parce que s'il faut à chaque fois lire ici, là, c'est de dire, ok, on prend psaume chapitre 119. Ça va faire 175 versets. Tu vas le lire, tu vas finir ça aujourd'hui. Hein, mon frère. Courage, d'accord? Oui, frère. Oui. Timothée. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée 1, chapitre 1, verset 20. Oui. Monsieur Nombre. Assez-toi bien, mademoiselle. Arrache tes cuisses là. Oui, oui. Monsieur Nombre sont. Iminé et Philette. Alexandre, que j'ai. Voilà. Livré à Satan comment? Non, relis d'abord ce qu'ils ont fait. Lis en haut, en haut. Qui n'appelle pas à ne pas lis ce qu'ils ont fait dans en haut. Il dit de ce nombre. Quand il dit de ce nombre, ça veut dire que les gens qui sont de parler, il y a parmi eux ceux qui sont qui ont fait telle chose. Il y a parmi eux Iminé et Alexandre. Mm-hmm. Oui, non, lis en haut pour savoir ce qu'ils ont fait. Verset 15 en descendant. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Oui. Que Jésus-Christ est venu dans le monde qui s'est fait pécheur, dont je suis le premier. Oui. Mais j'ai obtenu une miséricorde afin que Jésus-Christ fût voir en moi le premier toute sa longanimité. Oui. Et que je servisse les âmes à ceux qui croyaient en lui pour la vie éternelle. Oui. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Iménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. La question maintenant c'est. Livrer à Satan en quel sens? Le donner que Satan le tue. Que Satan le tue. Oui. Bon, maintenant, étant revêtu du Saint-Esprit. Et le tue, est-ce qu'on tue le Saint-Esprit? Moi, ça vient. Oui. Satan le tue en quel sens? Physiquement. Comment tu dis tu es encore? Parce qu'on te tue, par exemple, je délivre à Satan, tu vois un peu. Hein? Hein? Comme ça, tu n'apprends plus à poser les questions. comment tu dis spirituel, physique? Ou physique, spirituel. On appelle l'Islam, je vais citer seulement, d'accord? Dans Actes des Apôtres. Oui, mon frère, tu voulais parler? Ou bien? Dans Actes des Apôtres, je finis là, il vient à toi. Dans Actes des Apôtres, qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Alors, dis-moi, ils sont. Oui, ça c'est ce que là qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Et voilà un enfer, frère. Non. Tu dis non. Tu es sûr de ton nom là ou bien tu dis non en doutant? Comment? Non, parce que le soleil ne peut pas faire plus. Mais tu viens de dire là qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Quel est le but pour lequel le Saint-Esprit les a tués? Vous servir d'exemple. Quand tu regardes leurs péchés, tu ne penses pas qu'il y a des gens qui ont commis grave. Parce que si on prend le mensonge en disant que non, j'ai vendu à 5000 alors que c'était à 10 000 qu'on avait menti. On dit ça c'est le mensonge. Mais là, l'autre là, on dit qu'il y a eu parmi eux une impudicité. Peut-être que ça se nomme pas cher. Mais entre ce style de péché et ce qu'on selon dit là, lequel est paraît plus grave. Mais ils ont péché, non pas, ils sont pas morts. On est venu le corriger avec la parole, plus ça se sont corrigés, n'est-ce pas? Maintenant, cette personne, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 qui a commis cet acte-là. L'apôtre Paul dit que vous, avec mon esprit, étant assemblé par la puissance du Saint-Esprit, j'ai déjà jeté comme cet acte. Qu'est-ce qu'un homme soit pour. Donc, il ne parle pas des spirituels. Afin que. L'esprit soit sauvé aujourd'hui, Seigneur. Vous voyez, le problème, n'est-ce pas? C'est ça. Comme ça qui cause problème. C'est pour cela qu'il a donné l'instruction qu'on note que on note le méchant du milieu. On note ces racines-là pour que ça ne pousse pas et que les autres ne soient influencés. Donc, mieux, regardez, les militaires, s'ils partent au combat, si les militaires partent, sont dans les champs de guerre et qu'il y a un qui est blessé et que le cri, cette blessure lui cause des problèmes, lui pose des cris et que ça peut permettre en déroute toute l'armée. Tu sais ce qu'il va faire, frère? Il ne pose pas la question qu'on va le tuer spirituellement avec l'âme ou quoi que ce soit. On va le tuer. Parce que s'il fait ça va monter la position de l'ennemi. Il dit qu'on veille à ce qu'aucune racine ne pousse d'amertume et que plus elle en soit infectée. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait cela. Parce que s'il continue comme ça, on va voir que Noël. Mais tel là, il a la forme de son père. Donc tout le monde peut faire comme ça. Tout le monde peut faire comme ça. Alors quand il fait comme ça, c'est pour que la destruction, pour que la crainte vienne, pour montrer qu'au milieu de ça, on n'agit pas comme ça. D'accord, frère? Alors, les prédicateurs envoyés de Dieu ont des, c'est pas tous, des armes offensive et défensive de la parole. Donc l'une des choses dont c'est cette, voilà une arme au milieu chrétien. Ça s'utilise au milieu chrétien comme à l'extérieur. Si vous lisez à chapitre 13 avec Elima, vous avez entendu, vous avez vu Elima, ce qui s'est passé. Or, vous n'allez pas le voir, l'apôtre ne marche pas avec cette arme-là pour commencer à dégainer ça partout. Lorsque le moment opportun est là, le Saint-Esprit utilise cette arme-là. Or, remarquez bien que nul dans la parole de l'apôtre Paul, enfin l'apôtre Pierre dans Acte chapitre 5, ne dit que tu meurs. Il dit bien dans la prédication, dans ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Nul, il ne dit pas que meurs. Il ne dit pas ça. Il dit comment Satan a-t-il rempli votre cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit. On dit en entendant ces paroles, il tomba expira. Quand sa femme est entrée, après le lui a posé la question, la porte s'est sortie sans sa bouche. Voici ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte et prêts à t'emporter. À cette parole, elle a expié. C'est la porte pour qu'il n'y ait pas son temps à écrire qu'il faut qu'on le livre à sa tête. C'est ce que la porte Pierre a dû faire. Lui n'est pas, il n'est pas dans les discours, il ne sait pas écrire. Il parle seulement. Donc n'essayez pas aller contenir la parole que non livrée à Satan, ça veut dire quoi? C'est spirituellement le livre à Satan. On ne doit pas l'envoyer de l'usée. On tue, il quitte la scène. On va se retrouver quelque part là-bas. On dit que Ananias était obligé de faire comme ça parce que fallait préserver le reste. Hein, mon frère? Oui, Fred. C'est en Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Oui. Vous entendez ce que le type s'y fait? Quoi qu'il est 22, 21. L'eau arrive là-bas derrière là. Donnez-le jusqu'à Frère Arnaud. Oh, j'ai dit, laissez-vous mener par l'esprit, vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair combat contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme. Si bien que vous ne faites pas ce que vous voulez. Si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Absolument. Oui. C'est ce qu'on est en train de voir dans Romains là. Oui. Pourquoi est-ce qu'il fait ressortir ce fait là qu'on peut être encore attiré? Tu es au chapitre 5. Il dit tu es au chapitre 5. Ce gars là, je l'ai d'abord cité au chapitre 3 pour montrer exactement ce que je viens de vouloir dire. J'ai dit que les Galates, au chapitre 3, il dit qui vous a ensorcelé? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant achever par la chair? Tu vois cela? Parce qu'on était venu leur annoncer quelque chose, si vous ne faites pas ce qu'on sait dans la loi de l'Église de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Ils ont commencé à suivre une autre voie maintenant avec l'esprit. Puis il va donc dire, lis le chapitre 4, verset 19 d'abord. Chapitre 4, verset 19. Oh! Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc il t'allait dire la vérité maintenant. Pourquoi? Parce qu'il avait planté dans la galaxie, il avait planté, les gens ont reçu les dons du Saint-Esprit. Et ça s'est manifesté au milieu d'eux. Mais quand il est parti, on est venu semer la mauvaise sémence. Mais le vrai problème, c'est ceci. Le Saint-Esprit va toujours faire tout et tout pour corriger ceux qui sont de lui. Même si on est venu faire n'importe quoi, même si on passe par n'importe quel moyen, il va toujours conduire dans la vérité. Tu vois cela, juste que tu atteins la maturité. Ce dont tu vois jusqu'au chapitre 5, c'est l'instruction qu'il a de donner. Si tu regardes verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13, chapitre 5. Verset 13. Il dit c'est pour la liberté, mais ne fais pas que le laisser la liberté là, un prétexte. Vous en avez fait, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Oui. Seulement que cette liberté ne se compte pas en prétexte pour la chair. Voilà. Mais pour la charité. Voilà. Donc ça veut dire que. Les chrétiens, c'est parce qu'au verset 1 du chapitre 5, là-bas, il a dit c'est pas la liberté que Christ a franchi. Mais ils disent donc que ce soit pas vous êtes libre. Maintenant, vous êtes délivré. Ne prétextez pas maintenant pour vivre selon la chair. Je vois cela. Tandis que maintenant, comme on est libre, on est normalement conduit par le Saint-Esprit. J'arrive. Non, c'est pas là, c'est pas comme ça. C'est pas ce qu'il dit. Donc, je comprends. La chair ne convoite pas l'esprit. Donc, c'est mal traduit là-bas. La chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en acte contraire à ceux de l'esprit. C'est pour dire quoi? La résultante, c'est sur la chair. La résultante, c'est sur la chair. Et en fait, la Bible veut expliquer là-bas en réalité pour dire que l'homme n'est pas libre en lui-même. Là, ce verset ça explique que l'homme n'est pas libre en lui-même. Il est sous l'influence soit de l'esprit, soit de la chair. Tu vois ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il dit la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il en a des contraires afin que vous. Là, quand il dit vous, il parle à qui? Il parle à l'homme qui habite cette chair-là. Tu vois cela? L'homme qui est à l'intérieur, qui dit la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a les désirs contraires. Ils sont contraires l'un à l'autre. Il dit que si bien que vous ne fassiez, si bien que vous ne... On n'entend pas, frère. Si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Non, j'arrive, c'est ça que je viens de dire. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez, c'est-à-dire que l'esprit, si tu es sous l'influence du Saint-Esprit, c'est pas toi qui fais ce que tu viens de faire. C'est pas toi qui veux guérir quelqu'un. C'est d'accord, frère? C'est pas toi qui veux prophétiser. Tu es sous l'influence. De la même façon, quand tu marches selon la chair, quelque chose a de te pousser à le faire. D'accord, mon frère? Parce que l'autre, l'être qui est à l'intérieur là, n'est pas la chair. Il croit qu'on a commencé ici un enseignement, laissons-nous vous gouverner selon la parole. C'est laisser gouverner par la parole. Il croit qu'on a fait la première partie. On arrive avec la deuxième partie. Regarde ici, frère. L'être humain qui est debout. Cette personne-ci, c'est ce bout de terre-ci, c'est la chair. La personne-là à l'intérieur. La personne à qui on s'adresse se trouve à l'intérieur. La chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a les contraires à ceux de la chair. Ils sont contraires l'un à l'autre. Tandis que les principes de l'esprit sont contraires aux principes de la chair, mais l'exercice sera sur toi, l'homme. Et donc, si c'est, tu te laisses gouverner, c'est pour ça qu'il a dit, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, soit sous l'influence. On a lu ça dans Romains chapitre 8. Il a donc dit que si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. La loi de Dieu, la chair ne peut pas l'observer. D'accord, mon cher? C'est l'esprit qui nous donne la force. Non, c'est pas que la chair nous donne la force, c'est lui qui vit. Effectivement. Mm-hmm. Il te voit venir. C'est pas ça qui est racheté au dernier jour. C'est l'esprit. C'est ce qu'il dit dans ces 1 Corinthiens là. Ce corps, si ce sera terminé, ça va retourner à la poussière. Et si ça retourne à la poussière, on a une autre enveloppe. Cette enveloppe-là, c'est le corps qui est semblable au corps du Seigneur Jésus. Ceci ne sera pas racheté. C'est un enveloppe qui nous sert dans cette dimension. C'est ça la détruire. Où est le problème alors maintenant? Non, non, quand tu meurs là, c'est autre chose. Même celui qui péchait, qui n'était pas né de nous, quand il meurt, il n'est plus sous son contrôle. Mais tant que nous vivons ici, on nous demande de vivre la vie céleste ici là. Tu vois cela? Le style de vie, le style des gens qui vivent la nature de Dieu ici, dans l'environnement perverti. On dit qu'on soit irrépréhensible. Des questions là? La seule solution, c'est de vivre la chose. Non, la seule solution, c'est mourir. Vivre la chose. Vivre comment? Pour ne pas avoir le problème avec la chair, c'est la seule solution, c'est de mourir. Bien comprendre la propos. Absolument. Des questions, mon cher William? Ouais, s'il te plaît, j'aimerais comprendre comment l'apôtre Paul ici, quand il dit... Vous avez décidé d'aider l'apôtre Paul vraiment d'aider aujourd'hui. Vous avez vraiment décidé d'aider lui aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, chapitre 5, verset 19. La question, c'est comment peut-on éteindre l'esprit? Oui. Voilà des excellentes questions. Gardons ceci. Des questions là? Oui, mon frère. Oui, dans Apocalypse 6, à partir du verset 9, on parle des personnes là-bas qui avaient été décapitées à cause de la parole qu'ils avaient rendue. Ces personnes-là sont les chrétiens ou sont les bons? Quand tu as lu, tu as pensé que c'était qui? Moi, quand j'ai lu, je vois que c'est les chrétiens. Donc, il justifie. Bon, je le dis parce qu'on parle de témoignage. On parle de témoignage. Donc, comment on parle de témoignage? Alors, c'est les chrétiens. Mais deux personnes sont venues témoigner devant Jésus qu'on l'a entendu dire qu'il va détruire cet temple et le bâtir. C'était les chrétiens? Non, je vais dire, le témoignage est relatif. On a fait le témoignage de l'agneau. Tu es sûr? Vous lisez la Bible là, vous lisez ça comment là? Quand elle ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel. Non, il faut dire. Quand il ouvre ce sixième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est pour ça qu'ils ont été décapités. Oui. N'est-ce pas? Les apôtres et autres ont été décapités à cause de quoi? Du témoignage. Non, c'est pas pour cela. À cause de quoi? On les persécutait à cause de quoi? Tous les peuples des apôtres, à cause du nom? Ils sont de Jésus. Ils étaient de ces témoins. Ce n'était pas les témoins de Jésus. Lis là-bas, lis la suite. Ils criaient d'une voix forte en disant jusqu'à. Ils criaient d'une voix forte en disant jusqu'à quand, pour un saint et véritable, tu as te jugé. Arrêtons là-bas. C'est la personne qui a dû parler là, sur le langage des chrétiens là-bas. Non. Comment tu bouges encore la tête comme ça? Quand vous lisez, quand il faut bien regarder ce qu'il a dit d'abord. Voilà encore, on avance encore. Jusqu'à quand? Mais saint, souverain, véritable, tardes-tu à juger? Les chrétiens crient ça, frère. Non. Continue. Continue, continue. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. D'abord, un, les âmes de ceux-ci se trouvaient où? Sous le feu. Lève-toi. Donc, lorsque ce voile, l'écran, la suite de l'écran est passée, bon, quand Jean a vu, quand il a vu ces gens-ci, leur âme se trouvait à quelle position? Encore? Sous l'autel. C'est quoi l'autel? L'autel, c'est le lieu où on fait le sacrifice. Le lieu où on fait maintenant. Christ, le Seigneur, est où? Il est sous le trône. Il est sous le trône. Les chrétiens sont où? Les chrétiens, ils sont où? Quand Christ est sur le trône, les chrétiens sont où? Ils sont sur le trône. Comment tu quelqu'un il est sur le trône et puis tu dis maintenant que c'est eux qui se trouvent en dessous de l'autel? En fait, c'est le même témoignage qui m'a dit. Donc tu as laissé le témoignage, c'est le témoignage, c'est les chrétiens. Mais il faut faire attention quand vous lisez la Bible. Là, les chrétiens, là, Ephésiens chapitre 2 de la Bible, il dit que les ceux qui, pour qui ils sont morts, ils sont ressuscités en. Ils sont assis là-bas. Ceux-ci se trouvent sous l'autel. Ça montre qu'il faut qu'ils soient propices. Que le sang soit appliqué, pour qu'ils puissent traverser. Et là, maintenant, on va leur donner une robe. Pourtant, les chrétiens, quand ils ont là, déjà, la robe. D'accord? Des questions? Oui, mon frère Maxwell. Il y a une question qui m'a embarrassé à comprendre. C'est une explication dans une éducation ou un enseignement où on a posé la question de savoir. On parlait du. C'était quand on parlait de deux rois. On parlait de Manassé. De Manassé et. Ézéchias. Jéroboam. On parlait de. Quand on parlait de ceux qui se sont couchés avec les pères. Et puis dans les explications, ce que je devais faire avant de en fait, essayer de saisir, c'est que tu expliquais, quand tu as fini, tu as expliqué que les juifs étaient sauvés sous le sang. Et les chrétiens aussi, c'est sous le sang. Absolument. Le système. Oui. Mon embarras, c'est tout ce qui concerne Nabucodonosor, oui. Dont il est déclaré aussi avoir été agréable. Oui. Comment il est sauvé? Comment il est sauvé? Entre les juifs et lui. Oui, oui. Il est adhéré au peuple juif exactement comme Ruth a été adhéré au peuple juif. Un peu comme Ruth. Oui. Ruth a été adhéré comment? Par la foi. Par le mariage. Mais je veux dire, est-ce que publiquement parlant, on a des extraits qui présentent l'alliance, la filiation de Nabucodonosor comme Ruth? Il n'y a qu'une seule façon. Il fallait quitter une divinité pour servir le Dieu d'Israël. C'est ce que Nabucodonosor a fait, c'est ce que Ruth a fait. Ça veut dire que les étrangers aussi qui étaient intégrés au milieu des Juifs, à qui on avait donné ce principe, eux aussi restaient. Attention, ce n'est pas un principe. Non, c'est la loi de la grâce de Dieu qui est montrée, qui est présentée dans ces écritures-là. C'est pas que c'est un principe de Dieu que Dieu a mis comme ça, pour que tu fais comme ça, tu sois sauvé. Non, c'est que sous la loi, déjà, Dieu présentait derrière la grâce. Je veux dire, hein, oui. Là, quand tu parlais, du sang juif qui s'est dépouillé dans le peuple juif. Attends, quel sang? Le sang juif, c'est-à-dire les descendants de Jacob. Non, c'est pas tous les descendants de Jacob qui sont sauvés. C'est ça le problème encore. Non, attention, quand il parle de sang, Dieu sauve sous le sang, c'est qu'il faut que le sang soit appliqué à cette personne. D'accord? Sous l'ancienne alliance, il sauve par le sang. Sous la nouvelle alliance, il sauve par le sang. Le principe n'a pas changé. Dans l'ancienne alliance, il présente ces choses en image pour présenter ce qui sera parfait. D'accord? Dans la Genèse, lorsqu'il y a péché, première chose, pour pouvoir pardonner le péché, c'est le sang qui est appliqué. Quand les juifs sont là, quand ils sont dans la servitude, pour être délivrés, ils mettent d'abord le sang pour appliquer. Lorsqu'ils sont là pour être sanctifiés, ils mettent dans l'hysope là-bas le sang, avec l'eau pour sanctifier, même les ustensiles pour sanctifier. On dit d'après la loi, tout est sanctifié par le sang. Ce n'est pas, il n'est jamais dit que c'est parce qu'ils ont le sang juif. Sinon, dans ce cas, Judas Iscariot sera sauvé parce qu'il est juif. Or, la Bible déclare dans Romains chapitre 11 là, que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël dont la Bible parle. D'accord, frère? Donc, ce n'est pas le fait d'appartenance à la racine juive. Ça, c'était le sang du sacrifice. C'est le sang du sacrifice, justement. Et donc, maintenant, c'est le sang du sacrifice dont les peuplades païennes n'ont pas connaissance que c'est sous le sang que Dieu les regarde les gens. Ils n'ont pas connaissance. Et donc, Dieu donne à intégrer le peuple juif par l'intégration comme il avait pourvu. Regardez, si vous regardez la. Dans le livre de Exode, quand il parle de la Pâque, regardez, allons là-bas, Exode chapitre 12. Oh mon Dieu, quoi que vous n'avez pas là maintenant. Hein? Exode chapitre 12, verset 43. On y va. Vous avez ouvert Exode chapitre 12, n'est-ce pas, frère? Verset 43, regardez. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Vous entendez ce qui est écrit, frère? Vous pensez que c'est vrai, ça? Vous pensez que quand il doit manger, frère? Vous lisez quelque chose, vous avez peur. Il a dit aucun étranger n'en mangera. Comment, frère? Il y a une condition après, parce qu'ils sont étrangers à l'alliance des dieux. Ils sont étrangers à l'alliance. Donc, c'est quelque chose qui doit bien se comprendre pour qu'ils puissent y participer. Maintenant, continuons dans la suite, vous allez voir effectivement. Tu s'y considéreras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger, vous avez vu, donc si vous lisez seulement le verset 43, vous attendez là-bas, vous allez voir que les étrangers ne mangeaient pas. Maintenant, regardez. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'a. Qu'est-ce que Dieu a fait ici? Vous avez vu ce qu'il a de voir là? Vous avez maintenant vu ce qui se présente ici là maintenant? Amen. Donc, les étrangers étaient des incirconcis. Mais il a fait l'alliance avec Israël. Quand celui-ci fait ça, c'est pour ça que vous allez, on parle des prosélytes dans la Bible, des prosélytes juifs. Parce que les gens, il y avait des Grecs qui se convertissaient à la religion juive. Ils commençaient à respecter la coutume. Sinon, vous allez dans chapitre 10, où vous parlez des. Comment ça s'appelle? Corneille. Sur quelle base il craignait Dieu? Par exemple, là. Nous sommes en plein là dans la zone où le Nouveau Testament veut se manifester. Sous quelle base Corneille qui est italien, en plus, c'est un Romain, soldat, qui habite dans la nation juive, commence à craindre le Dieu des Juifs. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Il craignait Dieu. Il faisait ses prières chaque jour. Dans le même rituel qu'on faisait dans le temple, il faisait parce que dans le temple, il y avait même le rituel, l'esplanade réservé pour les incirconcis. Sur quelle base il craignait le Dieu des Juifs? Pourtant, c'est un peuple païen, des peuples païens. Il a dû faire le pèlerinage. Mais tous les héros de Haut-Nava étaient là-bas, ils voyaient la fête des Juifs comme étant une célébration de leur culture, de leur tradition. Mais quelle était la spécificité avec Corneille? Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que Dieu, dans la Bible, si vous voyez, même les psaumes qu'on lit étaient des prophéties même de l'Église qui devait naître. Si vous lisez Esaïe, quoi, psaume 45, vous allez remarquer effectivement qu'on parle de la noce de l'agneau là-bas. Maintenant, regardez. Lorsque l'apôtre David dit, je t'ai célébré au milieu de l'assemblée, parmi les nations, je chanterai tes louanges dans les nations. Comment David, sur le plan, s'il rentre en tant que juif, quand il dit qu'il va chanter les louanges de Dieu dans les nations, il pense aller quelque part dans les nations, aller chanter les louanges de Dieu? Vous voyez que la prophétie allait dire que la louange de Dieu sera célébrée par les lèvres des œufs, par la bouche des gens des nations. Nous chantons les cantiques de Dieu ici, chacun. Où est-ce qu'on chante des cantiques en bassa, on chante des cantiques en boulot, on lit la Bible en tout ci, ainsi de suite. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Alors qu'initialement, c'était uniquement pour les juifs. Donc la prophétie, en lisant l'écriture, vous voyez effectivement que les bribes de la grâce de Dieu commencent à se manifester dans les peuples où Dieu se manifeste, pour préparer, pour montrer effectivement que en réalité, le peuple juif, comme il a dit dans ce livre de Deutéronome là, a été choisi comme la loi de Dieu pour commencer à implémenter sa loi qui va répandre dans les nations. Le soleil prend sa source quelque part avant que les rayons se répartissent. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. S'il n'y a plus de questions, on peut. Il est 9h là bientôt. On peut prier. Amen. N'importe quel cri dans le pays. Vous vous souvenez de la nouvelle dont j'avais parlé? Des nouvelles. Une nouvelle, quand vous entendez, vous dites, ça c'est la nouvelle. C'est pas une nouvelle cachée. Vous en allez n'importe quoi. Restez calme, ne participez pas au débat. Restez calme, ne participez pas au débat. Et ne craignez pas, c'est sous le contrôle du Seigneur. Amen. D'accord? Amen. Mais ça, prions, frère. Tendre Père, nous te remercions pour ce moment merveilleux passé en ta compagnie. Merci Père parce que tu nous as réunis ici nombreux. Merci pour notre bien-aimé frère Francis venant du Maroc pour nous soutenir. J'ai pris Père de gloire que tu le bénisses, bénisse sa maison et bénisse au Dieu de gloire les églises du Maroc et l'église particulièrement de Casablanca. Je prie au Dieu de gloire pour ses frères et ses soeurs dans ces coins-là qui te cherchent de tout leur cœur. Donne-leur au Dieu de gloire la révélation de ta personne. Je prie pour ceux qui sont ici, pour tous ceux qui nous écoutent ailleurs, Père, que tu bénisses leur maison et tu bénisses leur cœur en leur visitant par ta présence. Je prie au Dieu de gloire que tu nous accordes la grâce de te servir davantage, d'être meilleur plus que maintenant. Je prie que tu nous donnes de comprendre le temps que nous vivons, le temps fâcheux, pour montrer au Dieu de gloire ta gloire et être le sel et la lumière de ce monde si particulièrement. Donne-nous de vivre dans la sainteté. Et qu'au sortir d'ici, Père de gloire, nous changeons, ô Dieu, les mauvais comportements que nous avions encore pour être meilleurs pour toujours. Que ton nom se soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.